compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Un jour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Coé sur Énergie de 17h à 20h. Je comprends pas, je dois être trop vieux. 17h, 20h. Oui! C'est Coé sur Énergie. Vous êtes 1 624 000 à nous écouter tous les jours. 1 624 000, c'est énorme. Vraiment, non. C'est beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça me touche énormément. Venez nous voir. Venez dans le studio. Cette émission, c'est la vôtre. D'abord, vous le savez, vous pouvez en parler. On a vu avec les Gilets jaunes, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous pouvez venir nous exprimer chez nous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, 0870 42 48. Il vous vient une idée dans la soirée, un truc à dire, quelque chose que vous voyez qui vous fait marrer. Tous les réseaux sociaux vous sont ouverts. Si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez m'écrire. Si vous êtes sur Insta, Coé officiel, vous me suivez, puis vous allez dans les messages et on les verra. Pareil dans le Facebook. Ouais. Vous allez dans notre Facebook, vous verrez tout. Vous les allez dans messages, on les lit, les messages. Vous, et on y répond. Bien sûr. Bien sûr, oui. Avec des fautes d'orthographe. Moi, des fois, on y répond. Ouais, mais ça. Ça. Ça. Parce que moi, des fois, ça. Je. Ça. Et ça. Je réponds ça. Moi-même des mais fois. C'est l'attention qui compte. Non, non, c'est pas l'attention qui compte. Les gens, après, ils croient que j'écris comme un demeuré. À un moment donné, non. Mais non, mais je dis que c'est moi. Hein. T'inquiète. Ah, ça va. Non, non. Oui, mais après, il répond pas à tout. Mais il répond à le plus possible. Moi, je vais souvent sur Snap aussi à faire des bisous, des smileys. J'écris sur Insta. J'écris pas longtemps, mais je fais un petit mot, un petit machin. Quand on a, quand t'as 600 messages qui arrivent, ouais, évidemment, tu vas je pas. Je fais des bisous. C'est un peu compliqué. Et vos messages, je les vois. Voilà, c'est tout. Ça va. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, bah, j'avais envie. Je suis pépéré que ça, moi. Après Bébé Rixa, on a Pépé Rixa. Bienvenue. Bienvenue en tout cas. Les fans de Bébé Rixa sont très très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale de quoi? De la télévision. De la télévision. Alors moi, les journées mondiales, encore une fois, je comprends à certains moments quand c'est des journées contre le harcèlement scolaire, oui, contre la drogue, contre des maladies. Contre des maladies, pour que les gens prennent conscience des conditions de la femme, voilà, en France et dans les endroits du monde. Tout ça, je comprends. Mais la journée mondiale de la télévision. C'est comme la journée des toilettes. Hein. Bon. Elle est en train de mourir, la télé. Hein. Mais non, mais. Oh, dis pas c'est ça. Dur. Bah, pardon, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a une. Alors, dans le public, très honnêtement, en plus, aujourd'hui, on a un public un peu jeune. Levez la main ceux qui regardent la télé tous les jours. Ah, putain. Ah ouais, deux personnes. Il y a une personne. Trois personnes. Ils ont été trois à lever la main. Vous regardez sur Internet? Netflix? Ah, voilà. Ouais. Mais la télé, les émissions, les programmes, ils regardent plus, c'est fini. Vous savez, je vais vous raconter un truc, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. On est des préhistoriques. Non, je vous explique un truc. Il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais déjà sur Énergie, on était numéro 1 le soir. L'émission, c'était 20h, 23h, et même 19h. Et on était numéro 1, et j'étais allé voir un patron de télé. Oui. Et je lui avais dit qu'il me regardait, un peu comme. Un peu chelou. Un peu, ouais. Do. Et je lui disais, ouais, vous faites bravo hein, pour Énergie. Je lui dis, bah oui, on est numéro 1. Et il m'a dit cette phrase, il me dit, mais numéro 1 sur les gamins. Mmh. Numéro 1 sur les gamins. Les gamins, ça pèse rien. Les moins de 20 ans, ça pèse rien. Je dis, alors d'abord, il n'y avait pas que des moins de 20 ans qui nous écoutaient. On était, c'est vrai, numéro 1 sur les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes. Donc on était numéro 1 tout court, toute radio confondue. Ça pèse, les gamins. Et surtout, je lui ai dit, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces jeunes aujourd'hui qui sont de plus en plus sur mes réseaux sociaux, qui regardent nos vidéos sur YouTube, eh ben, ils seront de moins en moins chez vous. Ah, donc oui. Aujourd'hui, ils ont 15 ans ou 20 ans, demain ils en auront 25, 30, et s'ils regardent plus la télé aujourd'hui, ben, ils la regarderont encore moins dans 5 ans, ça, c'est sûr. Et encore moins dans 10 ans. Et il m'a regardé avec un sourire, sauf qu'aujourd'hui, toutes les télés pleurent un peu, parce que c'est exactement ce qui se passe. Ils essaient tous d'aller rechercher les moins de 25 ans qui ne sont plus là, qui ne regardent plus la télévision. Alors, ils mettent du hashtag dans tous les sens, mais c'est un vrai souci. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on avait décidé de de faire des vidéos sur YouTube, tout le monde me rigolait au nez. Et maintenant, bah, c'est vrai que voilà, il y a toute une génération, et pas que les 15 ans, non, de 20, de 25, de 30, non, même, hein, qui regardent Netflix, qui vont regarder des vidéos sur YouTube, qui matent nos vidéos tous les matins sur Facebook en allant, ouais, au boulot. C'est pour ça qu'on les sous-titre, parce que je sais qu'il y en a plein qui les regardent dans les transports en commun, qui regardent et qui voient juste les textes et qui peuvent pas mettre le son. Donc c'est un nouveau, je trouve ça génial. Mais même nous, on regarde moins. Hein. Mais mec, j'étais un fou de télévision, j'étais un malade. Moi, j'ai des programmes, je pouvais pas sortir parce qu'il fallait que je les regarde ou que je les enregistre. Je peux pas vous dire. Ça fait un an et demi que j'ai pas regardé. Ne me demandez pas de commenter une émission de télé. Je sais pas ce qu'il y a. Voilà, je regarde pour le zap, mais. Et puis on a enregistré sur le magnétoscope. Ouais, c'est vrai. Là, tu viens de passer pour une vieille conne devant tout le monde. N'en rajoute pas trop. On enregistrait le magnétoscope programmé sur notre VHS. Quand on cherchait une séquence, attends, bouge pas. Non, c'est pas là. Reprenez les jaquettes dans vidéo. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la télé. Télévision. Bon. Et quoi? Eh bien, du coup, tu sais quoi? Un truc à faire. Arrêtez, les gars, on a un jeu à faire. Tu pourrais pas faire des imitations? Mais non, ce serait une super idée. Mais non, c'était pas comme ça qu'il fallait ça dire. Ça serait pas bien. T'as un iPhone 4 au niveau de la batterie, t'es comment? Tu vis dans le passé. La meuf, tu crois qu'il reste 6% de batterie, puis d'un seul coup. C'est ça, c'était pas ça qu'il avait dit, les gars. Il a dit, on va faire un jeu et après, tu me lances. On va jouer avec tout le public. On joue à quoi? Tu vas imiter les auditeurs. Un truc à faire. Quoi, les gens du public qui doivent deviner qui tu vas imiter. À l'appartement. Comme personne n'a la télé. Heureusement que t'es pas speakerine, bon, ce serait génial. Mais arrêtez. Madame Rossieux prend foire. Oh, mince. Avec Trefoire. On n'arrête pas de dire. T'es chié quand même, parce que c'était pas ça. T'es chié. Non, moi j'en ai besoin, moi. Et on a tout l'habillage. Des émissions, il faut retrouver de qui il s'agit. Prends mon texte. Une chose à faire. Déjà, je fais pas qu'une chose pour commencer. Ok. C'est une bonne ambiance. C'est ton tour. On va jouer avec le public. Le but du jeu, on va faire approximativement animateur après animateur. Le but du jeu, vous devez essayer de trouver de quelle émission on parle, d'accord? C'est dur hein, quand on regarde plus la télé. Bah oui, c'est dur. Attention. Ah merde. Ah oui, d'accord, faut faire ça. Ouais, oui, c'est bon pour toi? On y va. Ouais. Bonjour et bienvenue dans l'émission où vous allez devoir chanter et trouver tant. Ça m'arrange parce que j'aurais continué tant que tu trouvais pas. N'oubliez pas les paroles, c'est bien, on continue. Bravo. Tu veux gagner des millions? Ouais, attends, j'ai pas fait. Bonjour à tous. Et bienvenue dans Qui veut cacher des millions avec Carlos Ghosn. On va jouer avec le chanteur Renaud. Ça va, Renaud? Très bien, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, ma chérie. Attention, celle-là, tu trouveras pas, t'es trop jeune. On s'en fout, on y va quand même. Attention, ouais. Des questions pendant des heures. Vous avez pris une semaine de congé pour jouer avec moi et pour repartir avec une boîte de jeux pourris. Le jeu, c'est. Bien joué, bravo, quand même. Bravo. On continue. Oh. Salut Lélo. Salut Lélo, vous saurez tout sur cette jeune chanteuse qui cartonne partout, qui s'appelle Kaya Namanamura. Il y a 50 minutes inside. Bravo, bien joué. Bon, on continue. Oh putain, salut tout le monde, j'espère que ça va. J'ai une patate phénoménale, les danseuses du Lido vont montrer Nichon, j'adore ça. J'ai une nouvelle émission culinaire. Je vais vous faire un hamburger avec la teuf, vous allez voir, c'est ça. Non. C'est samedi soir, on est tous là, il va y avoir des numéros, des clowns et des gens qui font disparaître des quilles, et je vous dis pas où. Sébastien. Bien joué. Oui, bravo. On continue. Ah ouais, d'accord. Je vais pas faire plus. Je sais pas faire plus. C'était Laurent Ruquier, merci. À côté. On continue. Bienvenue tout le monde dans l'émission de l'hypnose. À trois, vous allez tous vous endormir. Vous dormez déjà? C'est que c'est chiant. Bien joué. Bien joué, ouais. Alors, celui-là, ils trouveront jamais. Allez. Oh non, mais c'est trop vieux ça. Ouais, ça, c'est dur. Vas-y, on joue nous, c'est pas grave. Nous, on sait là. On connaît la réponse. Écoutez la musique. Guy, vous m'avez fait tomber mes lunettes, Guy. Mes lunettes sont tombées, Guy. Je ne vois plus rien, Guy. Ils sont trop jeunes. Ils trouvent ça affligeant. Non mais Laurent pas. Léon Zitrone. Ouais, Guy Lux. Interville. Allez, on en fait deux derniers, puis on finit, on laisse Henri Cochot. La ménagère m'adore, les Français m'adorent, tout le monde m'adore. L'étoile, Yusberg, vous allez la trouver, l'étoile, et moi-même, je m'adore. J'ai fait 24% de part de marché. Les 12 coups. Je sais qu'on pourrait croire que c'est présenté par Patrick Sébastien, mais non, et on termine. Je pourrais pas le faire, celui-là. J'apprends. Parce que j'ai la dalle aujourd'hui. Alors je vais vous faire découvrir les princes de Lille, les ducs de Bourgogne. Et on fera du bricolage avec le roi Merlin. Ah, passé un très bon moment. Oui, oui, pardon. Oui. Secret d'histoire. Oui, ah oui. Pour les gens qui regardent pas la télé. Ouais, ils savent, hein. Ils sont. Bon, je croyais que personne n'allait trouver. C'était le jeu pourri pour fêter la télévision aujourd'hui en vous souhaitant une belle soirée, en n'oubliant pas la semaine prochaine. Big Flo et Oli seront nos invités. J'adore les deux, ils seront, on va fêter ça la semaine prochaine et la sortie de l'album. Soyez heureux, passez une belle soirée. On reviendra demain, les gilets jaunes, courage. Si vous êtes sur la route et que vous écoutez Énergie, que vous avez un peu froid, il fait un peu froid. Oui. Et comme on a eu un auditeur tout à l'heure, nous vous le rappelons, je vous demanderai de ne pas faire de feu à côté d'une raffinerie. Voilà, si possible. Voilà, ça, peut, ça tient chaud, mais ça peut. Ça peut être dangereux. Ça peut être très chaud. Voilà. Ouais, ça peut être un... Et Jeff, c'était faux. Voilà. Peut-être Jeff, tu as joué à la guitare comme une merde. Le Ricochet, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en forme? Oui, mon premier. Le 17-20h. On l'a oublié. Mon deuxième a les yeux bleus. Qui suis-je? Je dirais Coé. Oui, bravo. Non, c'était pas Pépé Rick, ça. Non. C'était le père Foura. Je vous embrasse, les amis. Bonne soirée. Allez, l'équipe. À demain, tout le monde. Bonne émission. Coé revient demain sur Énergie. 3, 2, 1. Le Ricochet. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show sur Énergie. Allez, tellement content de vous retrouver. Je sais pas vous, mais moi je passais une journée de merde. Franchement, j'ai pensé à vous toute la journée, j'ai dit vite 20h qu'on puisse s'amuser tous ensemble, se régaler. D'autant qu'on vous fait gagner des places pour le Ballon d'Or. Vous allez pouvoir y assister Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Griezmann. Ils seront tous là. J'ai des vols, j'ai des avions pour vous y amener direct à cette cérémonie qui sera le 3 décembre. Vous allez tous pouvoir jouer, hein. 0800 70 42 48 pour s'inscrire dès maintenant. Et vraiment, vous allez voir, ça va être un délire un petit peu compliqué. Donc tout le monde va avoir sa chance, il faudra avoir du pif et du flair. Tiens, un qui n'en a pas, c'est Sylvain. Ça va, Sylvain? Bah écoute, en pleine forme, hein. Ce soir, c'est le Tinder de la peur. Tu vas accueillir une jeune femme chez toi. Et puis, à un moment donné, à la télévision, elle va voir que tu es recherché. On va se faire ça dans 20 minutes. Ça va être énorme. J'espère que tu es chaud. Ah, ben je suis chaud, hein. Mais en ce moment, il y a du passage, hein. T'as vu, hein. Là, ça arrête pas. Là, je vois ça. En ce moment, ça pêche au sec. Ça va, Sarah? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Je te sens dans une forme dingue. L'appel bluff arrive. Ah, ouais, ça va être énorme. Et en fait, cet après-midi, j'ai appelé la Allo Chaussures et tu vas te faire passer pour le PDG de la Halle. C'est pas vrai. Ah, je te jure. Je vais leur demander de faire des trucs de ouf. On va appeler la Allo Chaussures. Mon JM, ça va? Écoute, moi ça va toujours. J'ai appris que t'avais passé une mauvaise journée. Ouais, alors on va essayer de rigoler ensemble. Ouais, j'ai mis le gilet orange. Ah merde. C'est celui de. Ouais, c'est ça. J'ai dit j'arrête tout. Là, je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Tu vois, j'y suis. Les copains, on vous lit. Hashtag Ricochet sur Énergie. On est là ensemble pour passer une super soirée. On va s'écouter que du bon son. Et les amis, j'ai que des délires autour du gilet jaune. Je vous explique, c'est le bail du jour. On se fait un bail. Tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Les amis, j'ai vu ça sur Twitter, ça a défilé avant de se faire l'appel bluff. J'ai vu que maintenant, la mode sur les gilets jaunes, c'est d'inscrire carrément ton coup de gueule. Ah ouais. Alors nous, on va pousser notre coup de gueule comme un copain là qui a mis sur son gilet jaune Macron, la seule vieille retraitée qui te supporte encore. C'est ta femme. Oh, mais c'est horrible. Alors vous défilez les amis, 0800 70 42 48. C'est ouvert au coup de gueule. On va y aller, je sais que vous en avez pas mal dans l'équipe. Ah oui. Oh, ça va être gourmand comme trois cafés. Oh là là. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy. Joins tes amis, on veut du Claudie Musette à en faire. je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Allez, on parle des gilets jaunes. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Ah, dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui, les amis. Il faut qu'on en parle. La colère gronde, hein, elle ne cesse de monter, les amis. Et de plus en plus, eh bien, on voit des phénomènes arriver. Il y a par exemple des personnes qui ont amené du café avec du laxatif aux gilets jaunes. Ouais. Hein, ils se sont fait tuer. Hein, c'est pas sympa. On peut ne pas être d'accord avec le mouvement. On rend pas malade les gens. Je voulais quand même vous en parler. Et puis il y a le coup de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que les gilets jaunes ont bloqué les poids lourds. Ouais. Et puis après, quand ils ont levé le dispo, les poids lourds ont bloqué les gilets jaunes. Ouais, c'est un peu les arroseurs arrosés. Ok les gars, on joue à ça, on vous attend. On embrasse aussi évidemment tous ceux qui sont dans le froid là, qui caillent et qui manifestent pour un petit peu tout le monde. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Eh oui, oui, c'est le sujet. Il y a Steph qui dit marre de pas pouvoir travailler correctement à cause de certains barrages, 2 km en une heure. Ça exaspère, mais franchement, ça fait parler aussi. Voilà. Et on voit également ces gilets jaunes qui apparaissent avec des inscriptions derrière, des jolis flocages annonçant des revendications, notamment cette personne qui a dit qu'évidemment que Macron, la seule retraitée qui le supportait encore, c'était sa femme. C'est méchant. Je me suis dit, c'est piquant, mais c'est drôle. Ouais, c'est drôle, hein, c'est de la vanne. Du coup, Sarah, si t'avais un gilet, toi, qu'est-ce que tu inscrirais derrière ton coup de gueule? Alors, moi, il y aurait marqué non. Ouais. Messieurs, mon cul n'est pas un panneau publicitaire. Oh, en fait, j'en ai marre des mecs qui se font des torticolis dans la rue. Le gars qui fait le mec galant qui te laisse passer dans les escaliers, on sait très bien que c'est pour mater ton cul. Oh. Moi, j'en ai marre. Mais t'as le cul plat. Marre de ces meufs qui font des manières alors qu'on est juste poli. Oh, voilà ce qu'il y aurait écrit moi derrière. Voilà, on en a marre, JM. C'est pas un panneau publicitaire, mais on aurait pu mettre un 4x3. Je rigole. Je suis outré. Excuse-moi, JM, sur cette vanne, pas sur ton cul, 4x3. Des cons. On a vu son petit cul, 2 sur 2 hein, mais arrête de parler de mon cul, toi. Voilà quelqu'un qui a pris les mesures. Tiens, on va prendre Benjamin qui a aussi des choses à inscrire. Il a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Benji? Ouais, salut Rico, salut l'équipe, je suis content d'être là ce soir avec vous. Eh ben, on est content, mon Belgique. Tiens, qu'est-ce que tu mettrais, toi, derrière le gilet inscrit à ton dos? Ah, moi, ça serait un petit message destiné à mon patron, parce que là, c'est patron, une augmentation, 5 ans de même salaire, c'est emmerdant. Ah, bah oui. Ouais, même combat. Ouais, pas d'accord. Non, mais c'est vrai, faut qu'il racle, là. 5 ans de travail, faut qu'il racle. Je suis d'accord avec toi, Benji. Ouais. Merci pour ton coup de gueule, Benji. On t'embrasse. Ah, bisous, l'équipe. Bisous, Benji. Ciao. Il y a aussi Axel qui veut gueuler. Il a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Axel? Salut l'équipe, salut Rico, ça va? Ça va et toi? Axel, ton coup de gueule, vas-y, ça tombe. Je suis contente d'être là. Ah bah écoute, moi ce serait pour mes parents, parce que en fait, je voudrais leur dire, papa, maman, quand votre connexion internet ne marche pas, vous ne me prenez pas pour le SAV d'Orange. Non, mais une doudoune, là. Alors j'ai tes parents qui te répondent, on n'aurait pas dû te concevoir. Ils sont vénères, hein, ils te répondent en instant. Non mais c'est vrai, les parents qui te demandent. Ah mais capable de faire ça en plus. Hein. Ah ouais, bah écoute, ça, on doit se régaler au pas de famille. C'est ça. Tu m'invites quand tu veux, Axel, on se fait une bouffe, hein, on se régale. Pas de souci, hein. C'est vrai que les parents, des fois, il y a des décalages à tout âge d'ailleurs. Ouais, évidemment, les réseaux sociaux direct. Ouais, mais vas-y, mais crée-moi un compte Facebook, crée-moi un compte Instagram, oh malheur. Moi j'ai une mère qui tape à un doigt. Ah ouais, pas mal. C'est-à-dire que je démarre le début de l'après-midi, elle est sur le prénom, elle est en fin d'après-midi sur le nom. Et le FaceTime, moi, quand je fais des FaceTime avec ma mère, on voit que son menton. En fait, elle comprend pas le principe. Elle envoie encore des whiz. Ouais, c'est ça, Axel. Ouais, des whiz. Tu te rappelles sur MSN, t'avais tout qui tremblait. Ouais. Moi, le mec qui me mettait un whiz, c'était une agression. C'est-à-dire qu'avant, sur MSN, quand tu répondais pas, on pouvait faire trembler tout ton ordinateur pour dire, hey, tu te réveilles. C'était. Putain, Axel, t'es une ancienne. Elle a 20 piges, c'est déjà une ancienne. L'ancienne, wesh. Qu'est-ce que tu fais, l'ancien, là? Non, mais c'est vrai, moi, ma mère, elle appelle l'ordinateur à Minitel. Ah ouais? Je lui dis, mais non, ça n'a rien à voir. Il y a de la chance, hein. Il y a de la chance, il y a 15 jours, c'était la machine à écrire. On progresse. Bisous, Axel, merci pour ton coup de gueule. Bisous, merci beaucoup. Ciao. Allez, on t'embrasse. Les amis, on se marre avec ces gilets. C'est vrai que c'est important d'en parler aussi, parce qu'il y en a, voilà, qui manifestent, on est avec vous, et puis il y en a qui sont pas d'accord, on est aussi avec vous, on comprend tout le monde, c'est ça, c'est l'émission, c'est le Rico Show, on est là pour vous. Moi j'aimerais qu'on trouve un gilet pour Sylvain, tu mettrais quoi toi Sylvain? Marre des arracheurs dedans. Non, c'est ce que j'en ai marre. Non, moi j'en ai un pour Sylvain. Marre de pas toucher d'aide alors que je t'emploie. Allez, c'est le canure. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canur, le canular du jour sur Énergie. En parlant des patrons qui avancent pas d'oseille, on va se faire l'appel bluff et je vais me faire passer pour le boss d'une grande enseigne. On va où, Sarah? Alors, on va chez la Allo Chaussures et tu es monsieur Tirache. Très bien, écoute, la Allo Chaussures, ça me connaît. Ça tirache? Oh là là, j'ai acheté des Atemi toute ma vie. Oui, ça m'arrache. Ah ouais, non mais c'est vrai, tu rentres à la Allo Chaussures, c'est l'angoisse des parents. Ah ouais, t'as les paires de chaussures partout, t'as les chaussettes, t'as tout, t'es en angoisse. T'as tout, mais ils font des OP sympa en ce moment, tu vas voir, tu vas les sonder là. Vous allez voir que le grand patron est chaud. Je vais appeler l'enseigne et je vais leur demander de faire des trucs complètement ouf. C'est l'appel bluff. Ils pensent que je suis leur boss. Tu leur as dit que le boss allait appeler? Ouais, j'ai appelé cet après-midi et franchement, je suis tombée sur un phénomène. Tu vas voir, une employée de malade. C'est vrai? Oh là là. Elle a du peps et tout? Elle a du peps, du bagou, tu vas halluciner. Allez, on va se marrer. Les places pour le ballon d'or arrivent et le Tinder de la peur. Sylvain va accueillir une jeune femme chez lui et par la télé, elle apprendra via une bande-annonce qu'il est tout simplement recherché. C'est un concept inédit en radio, c'est tout neuf et franchement, c'est nulle part ailleurs. A tout de suite les amis, 3 minutes, on revient pour kiffer jusqu'à 23h. Écoutez ce son. Ce son vaut 10 000 euros. Tu utilises une machine à écrire. Une boule de neige qui s'éclate contre une vitre. C'est le son à 10 000 euros sur Énergie. Demain matin à 8h30. Écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Trouvez-le. Et gagnez 10 000 euros cash. C'est facile. C'est le son à 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est uniquement sur Énergie. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Oh, mais merci, mon chéri, merci. Oh non, ne me remercie pas, remercie free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigas octets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Cdiscount vous offre 15 000 euros de cadeaux pour le Black Friday avec Énergie. Vendredi dès 6h, écoutez Manu dans le 6-9. Je reviens, merci Manu. Et dès 17h, c'est Coé sur Énergie. Pour le Black Friday, Cdiscount met en jeu 15 000 euros pour vous faire plaisir. 15 000 euros à gagner vendredi avec Manu et Coé. Énergie, hit music only. Matmut présente la solidarité. La solidarité? J'aimerais bien voir ça. Mon entreprise vient d'être inondée. C'est la cata. Je vais plus pouvoir travailler. Vous imaginez le manque à gagner? Je fais comment? Appuyez-vous sur une valeur sûre. Avec les solutions pro et entreprises du groupe Matmut, la solidarité, c'est compenser les pertes d'exploitation de votre entreprise en cas de coup dur et vous accompagner jusqu'à la reprise de votre activité. Sûr? Sûr. Ben vous, au moins, vous avez pas peur de vous mouiller. Matmut, ma valeur sûre. Garantie dans les limites, plafonds et conditions du contrat souscrit. Modalités complètes et coordonnées sur matmut.fr et en agence. Pour le Black Friday, But vous offre 50 euros en bon d'achat à partir de 200 euros d'achat sur tout le magasin et même sur les produits en promo. En ce moment chez But, c'est le Black Friday. 50 euros en bon d'achat offert des 200 euros d'achat. Voir conditions en magasin. Black Friday, vendredi noir. Bonjour, si vous nous rejoignez, bienvenue dans le Rico Show. On se régale déjà depuis un bon quart d'heure et vous tombez bien puisque l'appel, la bluff arrive dans 30 secondes. JM, Sylvain sont là, Sarah aussi, vous êtes hyper nombreux, hashtag Rico Show sur Énergie. Vous faites bien d'être là les copains puisqu'on va vous faire gagner des places pour le Ballon d'Or. Eh oui, ça tombe, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé. Wow. Messi! Et nous, on y sera! Et JM. Ah, ça va, devant, puisque nous, on n'aura pas de place. Ah, je vous dis, c'est que pour vous, les copains. 0870 40 42 48, on va se faire un énorme jeu. Tout le monde aura sa chance et les inscriptions sont gratuites. Il n'y a que nous pour faire ça. C'est vrai. Bah oui, d'habitude, il faut raquer pour t'inscrire. Ouais. Nous, c'est gratos. Vous venez, vous jouez et vous allez voir qu'il va falloir être plutôt intelligent. C'est mort pour Sarah. Oh là, merde. Ça y est, c'est cuit, les amis. Et puis, les news arrivent. On a un truc à vous faire écouter sur les gilets jaunes. Là, ça vient de tomber, c'est énorme. Et on aura pas mal de news complètement folles. Avec des bons plans pour gagner de l'oseille. Eh oui les amis, on en parle. Mais là c'est le canular du jour. Est-ce qu'on y va, ma Sarah? Alors on va chez la Allo Chaussures. Et vous êtes monsieur le PDG, monsieur Tirache. Très bien, vas-y. C'est l'appel bluff. Je me fais passer pour le patron de l'enseigne. Et croyez-moi que je vais faire des trucs de ouf. Oh là là. Vous allez voir, je vais demander des choses à mes employés en direct qu'ils ne peuvent me refuser. Je suis le grand actionnaire. Ah oui, c'est comme ça les amis. C'est parti, c'est le canular. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. Eric, j'espère que tu vas trouver chaussure à ton pied. Dans ta gueule. La chaussure. Ouais. Allô. Allô. Oui. Vous êtes là, Nadia. Là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du blocus là? Rien de grave sur le magasin. Non, rien de grave. Ils ont fermé la zone, ils ont fermé l'accès autoroute. Gala, ils sont en train de mettre le feu, donc c'est un peu compliqué. Et là, il y a un peu plus de monde, donc on y va et on va faire le chiffre, enfin. Ah, du blé, hein. On fait ça. Il en faut, ouais. Ah ouais, il en faut pour tout le monde. Hein. Je veux dire que là, ouais. on a tiré la tronche sur votre magasin, on est content d'avoir un peu d'oseille, là. on le fait, c'est l'objectif. Vous savez, moi, je viens d'en bas, je parle un petit peu, crûment, mais il n'y a pas, hein. Non, mais c'est bien. C'est vous le nerf. Vous savez de quoi vous parlez au moins. Quand vous voyez le client, du blé, hein. Il n'y a pas de souci, c'est ce que je leur dis. Comment on dit, Nadia? Du quoi? Du quoi? Du blé. Voilà, du blé. Ah, il faut, hein. Non, pas de problème. On y va, de l'oseille. On va faire une petite opération, Nadia, hein. Moi, je pensais faire quelque chose d'un petit peu drôle. Je veux quelque chose qui rentre dans la tête, hein. D'accord. Donc, moi, je pensais à quelque chose de musical que vous pourriez incarner avec toute votre fraîcheur, votre spontanéité. Hein? Y a pas de souci. Tiens, dites à Nadia ce qu'on cherche. Alors, en gros, Nadia, nous ce qu'on aimerait, c'est vrai qu'on va vous rapporter le chanteur Vianney. Donc derrière lui, il faudrait entonner la chanson suivante de fête. Vous m'écoutez bien? D'accord, allez-y. Alors, c'est Vive le vent d'hiver, Boule de neige et jour de l'an et bonne année la Halle. Allez-y. Ah ben, vive le vent, vive le vent, vive le divet. Boule de neige et jour de l'an et bonne année la Halle. Bravo, exceptionnel, exceptionnel. Je suis content, Nadia. Est-ce que vous avez des personnes autour de vous pour faire les chœurs autour de cette chanson? Non, elles sont en train de faire du blé. Bon, ben bah, ça me va. Oh, bah, il est génial, notre patron. Ah ben, bah, écoutez, moi je pense qu'on peut mettre ça dans les spots. Et vous voyez, une fois que c'est entendu, ça, durant les fêtes de Noël, les gosses vont le retenir. Ils vont le chanter dans les bagnoles des parents. Et puis on va faire du blé. L'objectif, c'est quoi, Nadia? Du blé. T'es bien, Nadia. Nadia, on va se faire une petite opération au micro, d'accord? D'accord. Allez-y. Allez. Moi, si les clients rigolent, c'est pas grave, c'est mon patron. Ah bah là, vous y allez, hein, avec grand plaisir. Allez-y. Alors, vous notez les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse seront toujours sèches et archi-sèches. Toujours sèches. Avec la halle aux chaussures. Avec la halle aux chaussures. Le premier client qui se présente en caisse, capable de me répéter cette phrase, participera au tirage au sort pour avoir une minute pour remplir son caddie et tout avoir gratuit. Oui, monsieur Tirachi. Oui. Mais moi, je vais faire du blé, hein. Vous voulez faire quoi? Du blé. Oui, je vais faire du blé. Alors, un caddie tout gratuit. Nadia, vous faites cette petite annonce. Ok. Messieurs, dames, bonsoir. Le premier client qui arrivera de répéter cette phrase aura un cadeau à la caisse. Les chaussettes de l'archiduchesse seront toujours sèches et arrêtez d'être sèches avec la halle aux chaussures. Alors, est-ce qu'on a une cliente? J'ai une cliente en magasin, en caisse, oui, bien sûr. D'accord, est-ce qu'elle peut me répéter la phrase? C'est pas évident à dire. Allez-y. Bonjour madame, allez-y madame. Les chaussettes de chaise. Et tant que je pêche. Ah, c'est perdu, madame. Oh, c'est perdu. Je suis désolé. Ah, ben voilà, vous m'avez vexé, Mickey. Nadia. Nadia. Oui. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dites-moi. Nadia. Oui. Je m'appelle Aymeric Bonnery. Mon surnom, c'est Rico. Et vous êtes dans le Rico Show sur Énergie, Nadia. Vous venez de remporter un très beau cadeau, pas pour vos clients, mais en tout cas, vous, on va vous faire un cadeau, parce que vraiment, vous êtes exceptionnel, Nadia, on vous kiffe. D'accord. Vous êtes à la radio sur Énergie, et n'oubliez pas, Nadia. Blé. Nadia, on va vous faire un cadeau, vous raccrochez pas, vous êtes exceptionnel, vous raccrochez pas. Merci. Oh là là, énorme. J'ai toujours un grand moment, cet appel bleu. Ouais. Wow. Quel kiff, les amis. On est bien sur Énergie, tout va bien, ça y est. C'est 20h28, on est en direct, que du kiff. Les news arrivent et je vous parlais d'un délire là qui vient de tomber à l'Assemblée nationale là tout de suite et de bons plans. On va se faire de l'oseille. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh no, your daddy didn't like me much. And he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the inside. In the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream. I have a family, a house, and everything in between. And then suddenly, we're 10:23, and then we got pressure for taking our love more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. Our love is yours if you're willing to take it. Give me heart, cause I ain't gonna break it. So come away, start entertaining, start a new life together in a different place. All the love is how all these ideas came to be. So baby, run now, play with me. Run away now, run away now. She used to meet me on the east side, in the city with the sun on set. Il y aura des places pour le Ballon d'Or, mais là c'est les news. Emric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Jusqu'à 23h, on est là. Et les filles, d'ailleurs, on va se régaler. On va se faire une super émission. Sylvain, dans un quart d'heure, a rendez-vous avec son date Tinder. Il va la recevoir à la maison. Et puis d'un coup, à la télé, elle va voir qu'il est recherché. Et ce soir, Sylvain est un agneau. Je crois que t'es romantique pour une fois. Ah, je suis en mode romantique aujourd'hui. Ouais, t'as vu dans sa bouche, ça a du mal déjà. Ah, c'est horrible. Ah ouais, je vais tout sortir, la sérénade, le violon. À la Roméo et Juliette. Hein. D'accord. Ouais, Romo. Sors pas la trompette. Hein. Et il a failli dire à la Rocco et Juliette. J'ai eu très peur. Ça vient de tomber, les amis, dans les news. On parlait des gilets jaunes. Il y a Jean Lassalle qui était justement à l'élection présidentielle. Hein, ouais. Les dernières, il s'était présenté. En fait, il arrivait à l'Assemblée comme un mauvais élève. Il arrive avec le gilet jaune. Mais non. C'est pas une vanne. Il est arrivé tout à l'heure à l'Assemblée avec et il s'est fait virer du délire. Écoutez, c'était là il y a quelques secondes. Écoutez. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. La séance est suspendue. Il a suspendu la séance. Énorme, le gars, il est énorme. Hein. Et c'est comme en classe, il y a toujours un camp. C'était Sylvain chez les députés. Monsieur Lassalle, sortez de la salle. Oh là là, merci. On n'y avait pas pensé. Quel génie. Monsieur Sylvain, sortez du studio. Ok, je gâche. Ça rime pas, mais ça va le faire. Tu vas voir, ça va le faire. Vas-y. Non, mais il est trop marin, Jean Lassalle. Il vous fait rire. Mais franchement, je le vois pas gouverner la France. Faut dire ce qu'il est. Il est proche du peuple. Oui, mais c'est apéro à midi, c'est apéro à 13h, ça me déplaît pas. Mais franchement, la France, elle va être dans le mur. Hein. J'aime bien, moi, magret de canard rugby, ça me plaît. C'est une belle association. Ça peut me plaire. Allez, on va parler du complexé du jour, les amis. Il était complexé et il a fait un truc dans les toilettes des gars. D'accord. Voilà. Il a fait quelque chose parce qu'il était complexé. Ah. Est-ce que vous avez une idée, JM? Il a mis un mètre, genre, pour mesurer le mec à côté. Alors, c'est un peu de ça. C'est un peu de ça. On sent que t'as eu des complexes. Eh oui, évidemment. On sent que t'as été complexé. Tu regardes. Sylvain. Ben non, je sais pas. Et quand tu tirais la chasse d'eau, il regardait ce qui se passait un peu, quoi. Ouais, regardez les saucisses à gauche, à droite. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Vous êtes dans le thème, mais vous avez pas le truc, ça. Bah, je sais pas. Quand il faisait pipi, il dépassait pas assez. Il était complexé par le nombre de gouttes qu'il fournissait à côté, sur la cuvette. Il était au compte-gouttes, en fait. S'il faisait pas 110 gouttes, le gars était en dépression. Il devait prendre un cachet. C'est pas ça. 0870 42 48. Sarah a composé le numéro. Ça va, Sarah? Salut Rico, salut l'équipe. Salut. À ton avis, le mec, il a fait quoi de chelou dans les toilettes? T'as une idée ou pas, Sarah? Bah, étant donné que c'est un mec, j'imagine qu'il a voulu regarder la taille. Ah, bah, exactement. Mais et les gars, c'est vrai que vous êtes tous. On peut pas deviner le truc. Il a mis une caméra en fait au-dessus de la pissotière, là où fait tous pipi, et pendant un an et demi, il a regardé toutes les saucisses qui passaient tous les jours. Mais il s'est fait un barbecue géant. Et le mec a dit, les gars, c'est juste que j'étais complexé et pendant un an, je devais vérifier si c'était les bonnes tailles et si ça allait. Mais ça, c'est pas vrai, c'est impossible. Au pire, tu fais ça un jour, tu envoies 4-5, c'est bon. C'est qui kiffait, il voulait voir des sexes masculins. Je pense que c'était un pervers. Bah, oui, évidemment. Mais attends, mais dans le cas de toi, il aurait pas pu l'avoir, du coup, avec ton ventre. C'est gentil, ça. C'est gentil, ça. Merci d'être là. Merci d'être là. Et toi aussi, Sarah, tu peux quitter le studio. Et tu sais quoi, même avec mon ventre, je vais te voir le quitter. Non, mais c'est vrai, Sarah, c'est bien sa taille comme ça. Alors, c'est. Non, mais oui, sa taille. Mais moi, tu sais que je le faisais un petit peu, j'avais une boutique de fringues. Non, mais pour rebondir. Non, et en fait, j'essaie tout. Tu vas rebondir ailleurs. On s'en fout, Sarah. Non, je rigole, vas-y. Il est vexé. Non, mais en fait, j'avais une boutique de fringues et je laissais entrouvert un petit peu le rideau pour voir un petit peu la morphologie des nanas. C'est pas pour vrai. Voir si j'étais dans la norme ou non. Même les filles, vous matez un peu comme ça. Heureusement, on se compare. Sarah, tu matais toi aussi un petit peu? Bah, étant donné que, alors avant, oui, parce que j'étais complexée de la taille de ma poitrine, alors maintenant je ne suis plus du tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'étant ado, j'avais une forte poitrine par rapport aux autres, et du coup, dans les douches, au sport, dans les vestiaires, tout ça, je jetais un coup d'œil pour regarder si ça venait chez les autres, et puis non. Du coup, Sarah, voilà. Moi je te propose un truc pour te tranquilliser, envoie-moi un nude. Allez, on se met mettre Guy. Non, je ne suis plus du tout maintenant. Ah, bah t'inquiète pas, je sais que tu peux avoir des petits relents, c'est pour ça, je veux te rassurer, c'est tout, Sarah. Je suis là pour toi. Allez, on va parler des bons plans, j'ai du dos. Vous allez voir. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les coins sont trop pleurés. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Le Tinder de la peur, dans 5 minutes, on va se régaler. Sylvain va recevoir sa compagne du soir et elle apprendra évidemment à la télévision qu'il est recherché. Voici commence, commence la bande-annonce. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Rien que ça, ça fait flipper, oh là d'autant là. Que l'appart est bien dans le 16e. Hein, ça va, on va se régaler. Les amis, un peu de bon plan, on a envie d'oseille. Ah, allez, allez, allez. Ah, il faut du pognon là, je vous en donne. Vas-y. Allez, premier job qui est en vogue en ce moment, caresser des chiens. Jusque là, c'est accessible à tout le monde. 20 euros de l'heure la caresse. On y va, ça va caresser. Sylvain, en plus, je sais que t'as l'aptitude. Ouais, là, là, je vais la faire. Non, non, non, la fais pas. La fais pas. Je sais que t'as l'habitude sur la femelle du chien. Ouais, ouais, évidemment. On embrasse toute sa famille. Il se faisait des frissons entre eux, tu sais, entre cousins, cousines. Oh. C'est terrible. Sarah, t'as un bon plan ou pas? Ouais, moi j'ai un bon plan. J'ai mieux après, hein, vous allez voir. Alors, tu peux tester des crèmes anti-rides, mais il faut avoir des rides. Donc, moi, je suis la bonne cliente. Ah, bah ouais. Et pour... Non, mais je te jure, toi, tu peux en faire balles... deux en même temps. C'est 10 balles la semaine. En fait, sur une semaine, ils voient un petit peu comment ta peau réagit. D'accord. Voilà, si t'as des boutons, etc. Ok, on peut trouver. C'est bien si tu réagis bien, si tu réagis mal que je te retrouve avec encore plus de rides, c'est pas bien. Moi j'ai mieux pour vous les amis. Ouais ouais, je vous en parle parce que je sais qu'aussi Sarah au standard au 0800 70 42 48 a un bon plan. Voilà. Raconte Sarah. Ouais, bah alors je pense que client mystère ça peut être sympa. Ouais. Ah ouais. Ou testeur de voyage, évidemment. Ah, ouais. Ah oui, tester de voyage. Alors client mystère, c'est tu vas dans un magasin, on sait pas que t'es un mec qui voilà, vérifie que tout se passe bien dans le magasin et t'es engagé par le magasin pour aller kiffer et acheter exactement un article. Mais c'est horrible. Bah non. Mais tu pièges les employés. Mais en non, fait. Tu pièges mais pas, non. Tu vérifies que c'est bien. Tout ah, n'est pas c'est que piège. Horrible. Ah ouais. En fait, c'est pas dans un restaurant. Ah ouais, ouais, il y a ça aussi dans les restos. Bah oui, ouais, t'as raison, Sarah. Non, c'est bien, vous tapez client mystère et puis vous avez une petite mission en plus pour faire un peu d'argent, c'est pas mal. Mais les amis, arrêtez de vous faire chier. Non, mais c'est vrai, il y a sans jeu de mots, aujourd'hui vos selles coûtent de l'argent. Non, ouais, non mais c'est. Tu peux devenir milliardaire. Ouais, tu peux devenir. Non, mais tu peux payer ton week-end. Mais aujourd'hui, il y a l'hôpital Saint-Antoine à Paris hein, qui propose justement 50 euros pour récupérer votre. Caca. Voilà, votre mais caca. Non, c'est une blague, j'espère. Et ça existe vraiment, hein, c'est pas une vanne. Non, et toi, tu serais millionnaire, Rico. Hein. Ah, bah écoute. Ah, tu vas tous les jours, toi. Non. 4 fois par jour. Ah ouais, c'est JM le canard. Ah oui, moi j'y vais 3 fois par jour. Mais c'est véridique, je vais y aller, Rico. Ah ouais. Je te jure, je vais y aller. Et on a appelé avec ça. Et alors on a appelé le DOS. Alors, on peut pas le faire ce soir en direct parce qu'ils sont fermés. C'est de 8h30 à 16h30. Mais on a appelé dans l'après-midi. Et Sarah, ils t'ont dit quoi? Bah, c'est au nombre de crottes, apparemment. C'est pas. Voilà, oui. C'est au kilo. Ouais, non, c'est vrai, ils calculent le nombre de crottes, etc. Il y a des critères bien précis. Par exemple, si tu fais trop mou, JM, tu ne passeras pas. Mais d'accord. Ouais. Il faut que ce soit quand même. Voilà, c'est consistant. Mangez du riz. C'est plus cher que les truffes, bientôt. Ah, bah, écoute, toi, t'en es une belle de truffes. Tiens, les amis, on va parler justement de flip. Quelle est la plus grosse frayeur que vous ayez dans votre vie là, une frayeur ça? T'as déjà flippé grave? Tous les matins, mon regardant dans le miroir. Ah ouais. Voilà, en plus, ça se réitère. Faut arrêter les dégâts. Faut mettre une cagoule au réveil. Qu'est-ce que je fais? Il faut que ça stoppe. Il y a un gars qui a vécu, je pense, la frayeur qu'on on flippe tous de la voir. Ah ouais. Non, mais c'est pas une connerie. C'est quoi? En fait, c'est un peu la tour de l'horreur à Disney. Vous voyez? Oui. Vous avez une tour en fait qui descend de plusieurs étages comme ça, un coup sec, et vous descendez d'un coup du 4e au 1er. Ah ouais, c'est horrible. Là, la personne aux États-Unis, vous savez, ils ont des gratte-ciel. Elle est partie du 84e étage. Et l'ascenseur a chuté jusqu'au 11e étage. Non, mais c'est pas une vanne. Ça a chuté et après c'est resté bloqué. Ils ont mis 3 heures à les sortir, mais ils ont fait une chute de 80 étages où ils se sont demandé si le terminus n'était pas le sol. Je pense que c'est la frayeur de ta vie. C'est la frayeur de ta vie. Non, mais c'est vrai que les ricains, tu vois, toujours plus. Toujours plus. Voilà, Twin Tower, quand tu fais ça à Disney, c'est 4 étages. Ouais. Et là, c'est 84 étages. Est-ce que t'es américain du cerveau? Parce que toi, avec toi, c'est toujours plus bête. Ah, lui, c'est les neurones qui ont chuté. Ah là, mais c'est vrai. D'ailleurs, va faire le Tinder de la peur. Vas-y. Non, mais c'est l'heure en plus, Sylvain. Bah t'es sérieux? Ouais, vas-y. Vas-y, je me casse. Vas-y, on te retrouve. Tout, même. Oh non, reste avec elle là-bas. Reste avec. Et t'es vraiment recherché, Sylvain, Je vais faire le ricain, tu vas voir. Ouais, non, mais reste avec nous, on t'aime, Sylvain. Je touche une aide à la fin du mois, je la veux. C'est au trimestre. Si tu fais pas le trimestre entier, je l'ai pas. On va faire le Tinder de la peur inversée. Tu sais, c'est lui qui doit se faire kidnapper. Avec grand plaisir. Si la prétendante pouvait avoir cette idée. Allez, on se fait ça maintenant. Offenbach qu'on reçoit demain. Jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. Tinder de la peur arrive, les amis. D'ailleurs, Sylvain est déjà parti. On va prendre contact avec lui. Il reçoit une nana chez lui. Elle découvre à la télé qu'il est recherché. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer... Rechercher. Le Tinder de la peur, c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, les amis, Ça y est, on a tous le palpitant. On se dit comment ça va se passer. On va prendre des nouvelles. Mon Sylvain, est-ce que elle est dans le coin? Raconte-nous un petit peu. Ça va, Sylvain? Bah attends, je suis en route là. Je sais que l'appartement n'est pas loin. Ne t'inquiète pas, mon Sylvain. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, fais comme tu fais au lit. T'arrives rapide, rapide. Puissant mais rapide. Fais tout pareil. C'est ta vie, c'est cette séquence. Elle est comment? On a affaire à qui, Sylvain? Qui va être avec toi? Ah bah écoute, c'est une jolie blonde, 1m60 à peu près, de jolie forme, comme j'aime. Ouais. Et donc voilà quoi, j'ai hâte de la voir. Hein. 26 ans, elle a 26 ans je crois. Ouais. Vous avez échangé un petit peu avant. Elle est comment? Elle s'appelle Marie. Marie, elle s'appelle. D'accord. J'aime beaucoup ce petit prénom. Et elle est vraiment sur toi. Elle est vraiment à fond. Si tu l'as sélectionnée ce soir, c'est parce que ça a matché direct. Ah non, elle est à fond. Hein. On s'est envoyé quelques nudes en plus avant-hier. Oh non, c'est dégueulasse toi. Quelques nudes. Ah d'accord, merci Sylvain, on te laisse tranquille le temps de la réceptionner, on va se reconnecter avec lui dans deux minutes, le temps d'avoir une petite news sur Tinder. Allez. J'ai des infos. Alors Tinder, c'est le plus gros site de rencontre mondial. Ah oui. Il faut savoir que vous allez dans n'importe quel pays, vous mettez Tinder, d'ailleurs pendant la Coupe du Monde ça avait cartonné autour des stades. Ah oui, à Paris aussi, dès qu'il y a une Fashion Week, tu sais, il y a tous les mannequins dessus et tout, on les connaît. Il est bien informé celui-là. Mais c'est vrai, on a Tinder qui évolue au fur et à mesure des événements et des moments. Tiens, Sarah qui est au standard, raconte-moi un petit peu, est-ce que toi, tu utilises Tinder ou pas du tout? Alors, je l'ai eu fait. Ouais. Et en fait, pour donner l'impression que je suis sérieuse, même si je le suis, mais à la base, les gens ne le savent pas, j'ai pas d'enfant, mais j'ai pris une photo avec mes neveux et mes nièces et je l'ai mise dessus pour faire genre que j'étais maman et que du coup, j'étais une femme sérieuse. Oh là là, parce que t'en avais marre du truc, tu couches ce soir ou pas? C'est ça, voilà, mais, c'est ça. Il y a une news qui dit que l'orthographe, c'est un facteur de séduction, mais grave, et que plus tu fais de fautes, moins t'as de chance de pécho. Je pense que c'est surtout les meufs qui prennent attention. Ouais. Tu vois, nous les mecs, franchement, ça me fout si la fille ne sait pas écrire. Nous les mecs, on aimerait parler en photo, nous. Voilà, c'est ça, tu vois. Je pense que les filles, dès que tu mets ça va avec un S, la fille va dire non, mais elle n'écrit pas comme ça. C'est la base. C'est vrai? Ah, c'est que le mec est limité, que c'est un neuneu, un peu comme. C'est la base. L'orthographe, c'est la base. Ouais, c'est la base, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Tiens, Sarah, au standard, pareil, c'est un critère de sélection. Moi aussi, c'est une obligation. Si c'est pas écrire, c'est pas la peine. Ah ouais, putain, vous êtes dur. Vous êtes dur sur l'homme. C'est qu'à le dire. Ah ouais, et si on vous envoie au bout de la deuxième phrase et t'as une photo, ça marche ou? Mais jamais, ça fait crevard. D'accord. Non, jamais. C'est clair. D'accord. On n'ira pas JM. Non, c'est bon. On arrête tout. Et puis, il y a un nouvel outil là qui arrive sur Tinder, c'est le Sweep Search. Alors, en fait, excusez mon accent, c'est délire pour dire qu'en gros, à un moment donné, vous avez le plus de chances de réussir un match. C'est là où tout le monde se connecte en même temps sur l'application. Oui, oui. Et ça fait plus 250% de chances de pécho. C'est-à-dire qu'il y a Tinder qui vous envoie une alerte. Attention, il y a tout le monde qui est connecté. On est sur notre pic de connexion. Vous allez pouvoir pécho, les gars. Parce qu'il y avait un autre outil à une époque, il y avait le Tinder Boost. Ouais. Genre, en fait, ça te mettait en tête des propositions, tu vois. Ouais. Et il fallait payer, évidemment. Et après, t'avais le Super Like aussi. Genre, la fille était obligée de te voir. Bien, tu l'as fumé. Mais évidemment, je l'ai tué, Tinder. Tu quoi. Lui, c'est un Tinder surprise. Mais ouais. Oh merde, il y a de la surprise, il y a du Tinder. Ah ouais. Merde, on va se connecter avec Sylvain. Merci Sarah d'avoir été là, je te souhaite une bonne écoute. Je t'en prie, merci, changez rien, vous êtes géniaux, surtout bougez pas. On t'aime, Sarah, merci d'être là. Plein de bisous, Sarah. Bisous. Tu reviens quand tu veux. Bisous. On se régale avec vous. 0870 70 42 48. On aura les places pour le Ballon d'Or. Griezmann, Messi, Mbappé. Wow. Ils seront tous là-bas et vous y allez. Vous êtes partout en France, vous stressez, c'est à Paris, on s'occupe du vol, évidemment, de l'hôtel. Il va y avoir un jeu où les inscriptions sont gratuites. Vous allez voir, vous téléphonez 0870 70 42 48 sur le jeu. Les amis, ça va être énorme et tout le monde aura sa chance. Et c'est pas évident. Donc vraiment, vous allez devoir réfléchir et vous avez tous une vraie chance. Ça va être énorme. On se connecte avec Sylvain, voir s'il a réceptionné sa prétendante du soir. Allez. Tiens, on se connecte. Marie m'a dulciné. Oh, m'a dulciné, je t'attendais depuis longtemps. M'a dulciné. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Qu'est-ce qu'il fait? Ça me fait tellement plaisir de te voir. Oh, ma petite citrouille. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Comment tu vas? Mais ça va? Oh là là, je t'attendais. C'est trop beau. Ah, merci, c'est gentil. C'est une blague, j'espère. Mais c'est toi qui es belle. Oh, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai mon petit cœur qui bat la chamade. Ah, ouais. Bien, rentrons sur le cul. Mais il parle comme Gontran de Montmirail. J'ai l'impression d'écouter Corneille le Cid. Vas-y, je te porte. Ah, t'as bien bouffé aujourd'hui. Enfin, t'as. Oh là là, t'es musclé. T'as vu ça? 15 ans de musculation. Oh là là, mais c'est quoi ce sketch? Il a dû sentir qu'elle était un peu bah oui. un peu dans son monde, quoi. Ah, toi aussi, voilà. Oh là là, j'ai l'impression qu'il est. Ils sont dans leur monde. C'est bien parti, les amis. Il va se passer que des trucs de ouf. Vous allez voir, l'appartement est truffé de délire. Et elle verra à la télé qu'il est recherché. Mais la meuf, là, c'est quoi ce sketch? Bah, elle a trouvé le gars et la meuf, quoi. C'est le même. Non, mais c'est quoi? C'est quoi ce délire? Les gars, ils se sont trouvés. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le date du neuneu ce soir. Allez, on se met Maroon 5 et on les retrouve plus fous que jamais. C'est parti. On est là jusqu'à 23h. Des places pour le ballon d'or aussi, les amis. Que du kiff. Vous êtes sur Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And let me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. Let me close. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you. Tinder de la peur. C'est le grand moment. C'est le Tinder de la peur. Eh oui les amis, Sylvain a donné rendez-vous à l'un de ses dates Tinder chez un copain qui habite juste à côté d'Énergie. Ça y est, ils font connaissance et j'ai pas du tout compris le délire. Mais moi non plus, qu'est-ce qu'il pas a pas du fait tout, le homme a dulciné le... Plus jamais. Je sais pas ce qu'il nous a tenté. Mais a priori ça faisait déjà, je crois, m'a-t-on dit au standard puisqu'on écoute, ouais. Ça faisait déjà 3-4 minutes qu'il écoutait. Il pensait qu'on était à l'antenne et lui était déjà dans son délire. D'accord. A priori nous avait réservé une impro de théâtre. Waouh. Alors nous allons nous connaître. Il pensait qu'on était là, donc il s'était déjà dit bonjour et tout. Et lui, monsieur, nous était en pleine impro théâtre. Il nous avait réservé sa sucrerie. Non, mais il est très mauvais, par contre. Ah, bah, il faut qu'il arrête tout. Tout. Il faut qu'il arrête tout. Oh, quelle horreur. Et apparemment, il lui a dit écoutez, madame, n'hésitez pas à me lancer la réplique. Mais non. C'est un sketch de dingue. C'est un sketch de dingue. Oh, on va se connecter avec eux. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Sylvain est avec son date et elle va découvrir à la télévision, via une bande-annonce, eh bien, que Sylvain est recherché. Et on a réservé que des délires. On se connecte avec Sylvain qui était en plein théâtre. Monsieur fait du théâtre. Monsieur de la haute. On se connecte. D'accueil comme ça ? Mais non, mais je rigole avec toi. Là, je suis en train de faire une petite pièce de théâtre en ce moment là. Romeo et Juliette, tu connais Romeo et Juliette ? Et ben là, je vais le faire en mode urbain. Ouais, donc ça va être différent, tu vois. Ouais, je c'est la un mode... peu lourd hein, quand même. Ah ouais, tu trouves ? Ouais. Tu trouves que ça fait un peu trop. Ouais, bon, bah, je vais arrêter, hein. Je vais arrêter ça, je crois. Ouais, ça, faut que j'arrête. Parce que je suis en train de l'écrire, je suis auteur aussi, je suis auteur-compositeur, moi. Ah ouais, tu fais plein de choses. Ah ouais, ouais, je suis multitâche, hein. Ouais, ouais, c'est moi, j'adore ça, ouais. Tu sais, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est truc comme ça, c'est mon petit délire, quoi. Et moi, je suis un grand romantique. Tu sais, je suis un romantique à la base. Donc, quoi, pour être romantique. Ah ouais. Là. Ah bah, qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, je peux te faire manger, par exemple. Super. Tu t'as, t'as faim? Ouais, t'as faim? T'as quelque chose? Ouais. Elle bouge pas, hein. Okay. Parce que moi, quand je reçois quelqu'un, ou que la personne se soit bien, ok? Ouais. Donc bouge pas. Oh là là, l'angoisse. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Bah de toute façon j'ai des pâtes ou des pâtes. Hein. Bah des pâtes alors. Voilà. Ah, il est stressé, attends. Elle doit vraiment être canon la meuf, parce qu'il est stressé. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il est amoureux. Là. Elle t'a touché ou quoi? Ah ouais. J'ai des pâtes froides. Hein. T'aimes bien les pâtes froides? Non. Parce que j'ai eu une coupure de courant en moitié. Donc là j'ai une petite galère. Elles ont passé la nuit sur le balcon. En fait. Ah. Mais bon. En tout cas, franchement, c'est quoi? C'est la première fois que je vois une aussi jolie femme. Ah, il est quelque chose là. Ah, mais moi, je suis. Ah ouais, merci. Ah ouais, non, franchement, t'es. Waouh. Waouh, ouais, j'ai. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, bah là, j'ai appris. Là, tu vois, j'ai pris un coup de pelle là. Là, j'ai pris un coup de pelle dans la tête. Ah ouais, je te jure. Dans la mâchoire. Ah, tes yeux là, ils sont. Ah, t'as les yeux revolver, tu sais, comme. Oh là là. Ah ouais, ouais. C'est vrai, tu le trouves? Ouais, t'as des jolies mains. Ah bah ouais, t'as des mains dégueulasses. Visage, non? T'aurais un bûcheron. Ouais, ouais, ouais. T'as vu, j'ai des grosses mains par contre. Hein. Ouais, ça va. Moi, ouais, je me suis cassé quelques fois, mais bon, voilà. En tout cas. Elles sont fonctionnelles. Ah, elles sont toutes douces. T'as vu, elles sont douces, hein? Oh là là. Oh, non, ouais. J'ai compris pourquoi elle a joué la comédie. Elles sont lavées avec Merlène. Il y a touche un peu. Ah, c'est lourd, grosse, ouais. C'est vrai. Ouais, j'ai grosse main. Ouais. Grosse main. En tout cas, non. En tout cas franchement, je suis vraiment. Putain, je sais plus où donner de la tête, quoi. Et sinon, tu fais quoi d'autre? Mais tu sors d'un magazine, toi, non? Tu sors d'où? Tu sors de la Redoute. Le regard. Tu sors de la Redoute, toi, non? Ouais, c'est vrai. J'ai pu faire du mannequinat, ouais. Ah ouais. Mais attends, là, tu sais qu'il y a Miss France, ça arrive, hein, bientôt. Hein. Oh non! Eh, vas-y, postule, hein. T'as la lourdeur. Quel ok. Ah, bon, franchement, je serais belle, du coup, tu pourras voter pour moi. Ah, bah là, je vote 1, 2, 3, j'appelle tout le monde. Ah, ouais, je peux te dire, je craque le PL hein, pour toi. Ah, ça, c'est clair. Ah, moi, je suis bien. Ah, ouais, non. Sinon, qu'est-ce que. Faire quoi d'autre, sinon? Bah, moi, tu sais, comme je te dis, je suis sur les pièces de théâtre. Donc, j'écris beaucoup de poèmes. Ah, ouais, oh là. Et d'ailleurs, là. Quand je te vois, oh, franchement, tu m'inspires. Tu m'inspires de ouf. Oh, ça sent le poème. Donc, j'ai écrit une petite. Une petite prouse pour toi. Oh, une prouse. Une prouse. Vas-y, une prouse. Je te dis. Ouais. Bon, c'est un petit truc vite fait. Hein, tu sais, voilà. Je me suis inspiré sur toi. Oh là là. Sur toi. De toi. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien, Johnny? Bon, alors, attends, je vais mettre une petite musique d'ambiance. Hein, parce que, voilà, elle ouais. S'appelle Marie. Attends. Oh, Marie. Ah, il va pas faire ça, quand même. Tu vois, je suis comme Lady Gaga, je suis méga de toi. Arrête, t'es romantique, hein. Ouais. Écoute, tu m'indiques. Regarde. Oh Marie, si tu savais tout le bien que je veux te faire. Oh Marie, j'ai le caleçon en ébullition. Ah bah voyons. Non mais c'est un petit peu de boudoir. J'ai envie de les tremper dans le café noir. Oh non. Marie, pour moi, tu es la plus jolie. J'ai vraiment hâte de te mettre dans mon lit. T'es complètement taré, hein. Bah quoi, t'aimes pas? Bah non. Tes courbes pures donnera la baguette toute dure. Non, on arrête les amis, ça va continuer. Amir, tiens. Et vous allez voir, il y a une surprise dans la salle de bain. Oula. Il y a quelqu'un qui va sortir. Non. Ah oui, ça va la mettre en colère. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines. Pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte de chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. C'est le Tinder de la peur. C'est le grand moment. C'est le Tinder de la peur. Eh oui les amis, on est tous en stress. Hein. On est flippés avec cette histoire de Sylvain qui accueille une jeune femme et il va allumer la télé et elle va savoir qu'il est recherché. Oh là là. Voilà, dans toute la France, ça va être énorme. On s'écoutera aussi Prince Karma, Soprano, Imagine Dragons et DJ Snake. Allez les amis, on se connecte avec Sylvain qui est en pleine phase de romantisme. Hein. Oh, le poème a beaucoup plu à la jeune femme. Mais les amis, c'est pas tout, puisque JM va intervenir d'ici 30 secondes. Oh, vous allez voir, il a un texte très précis, préparé, hein, qu'il doit dire à Sylvain. Vous allez comprendre que la fille va... déchanter. Ouais. Ah bah là, c'est des chauffages. Hein. C'est des chauffages. On se connecte avec Sylvain dans l'appartement. Il est avec son date Tinder. Il faut bien que tu manges. Hein. Bah oui, mais j'ai pas de couvert. Ah, t'as pas de couvert? Bah non. Ah ouais, c'est vrai que moi je mange souvent avec les mains. Mais bon, attends, bouge pas. Je vais te chercher des couverts, bouge pas. Fourchette, couteau, hein. Ouais, c'est ça. Fourchette, voilà, couteau. Attends, bouge pas. Fourchette et fourchette. Wow. Attends, bouge pas. Oh là là. JM, t'es là, JM? Ouais, je suis là, je suis là. Il va falloir sortir là, de la salle de bain dès qu'il est avec la nana. D'accord? Tu me dis. Oh, on les entend au loin. Ah, ouais. Tu sors de la salle de bain et tu fais ce que t'as à dire. D'accord. Vas-y, ok. Bon, je me connecte voir s'ils sont ensemble. Vas-y, toi. Ah bon? Bah oui. Bah, je vais pas manger avec un couteau plein de sang. C'est bon. Bah non, mais parce qu'en fait, j'ai fait du gigot hier. C'est pour ça. Quoi? Le sang sur le couteau. C'est du sang. Si, ça va, Sylvain? T'as un chêne ce soir? Non, mais oh. Oh, tant que tu t'occupes aussi bien d'elle, tu t'es occupé de moi. Bisous, mon Sylvain. À demain. Bonne chance, Alain. Ouais, il est génial. Beaucoup d'air. Arrête, tu parles. Il est jaloux. Arrête, putain, allez, vas-y. Sors de là, putain. Sors de la part. Donnez-lui l'Oscar à JM. Mais non, c'est mon cousin. Il adore faire ça. En fait, c'est un petit jeu entre nous. C'est ton copain. Non, c'est un petit jeu entre nous. Si, c'est ton C'est-à-dire copain. C'est-à-dire, quand on reçoit quelqu'un, moi je débarque ou lui il débarque, tu vois, super. En fait, c'est une chose. Voilà. Mais alors, pourquoi tu m'as invité chez toi alors? En plus, t'as des couteaux pleins de sang, là. Mais non, ils sont pas pleins de sang. Parce on que prépare là, en fait, le, hier, la bande-annonce. J'ai reçu, hein. j'ai reçu la daronne. Annonçant qui dépèse tout le monde. Donc forcément. Bah bon, vas-y, achète-toi, assieds-toi. Tiens, vas-y, assieds-toi. Voilà. Bon, revenons dans nos moutons, parce que là... Oh non. Parce que bon, on n'est pas là pour bouffer. Hein. Enfin, pour manger, quoi. Vas-y. Bah, si, ouais, bah, je voulais te voir, quoi. Ah ouais, elle est vénère. T'as faim? T'as faim de moi ou... Bah, t'as faim de moi, j'espère, quand même, non? T'as pas faim des pâtes? Franchement. Non? Bah, pas que, non? Ah, quand même, non? Ah. Un petit peu, quand même. Et ça m'a perturbé, quand même, là. De quoi qui t'a perturbé? Bah, qu'il y a un mec comme ça qui sorte. Mais t'inquiète pas. C'est rien, ça. C'est mon cousin, il est relou. Ouais, oh, il fait quand même un peu gay. C'est Jean-Patrick, il est casse-couille. Jean-Patrick. Il est quand même un peu gay. Hein, il est quand même un peu gay. Non. Il est contre les gays, hein, mais... Non, parce que voilà, c'est une blague. C'est un truc entre nous, en fait. On sait ça dès qu'on reçoit quelqu'un, en fait. Donc, voilà. Moi, je pense que tu m'as menti. Franchement, je suis vraiment déçu par toi. Arrête. C'est vrai, elle a du caractère. Je te reverrai pas. Ah bon, oh, le cher. Ouais, arrête, mais moi je suis amoureux de toi, je te dis, en fait, je suis... faut que je te le dise, oh, je suis amoureux. Il fait peur, là, tu fais peur. Il a dit, je suis amoureux. Tout le monde n'a pas des mecs comme ça chez soi, en plus, tu m'invites et tout, tu me fais la sérénade. Non, tu peux pas me quitter comme ça, j'ai eu un coup de foudre. Ah, si, t'appelles mon petit chat. J'ai eu un coup de foudre pour toi, Marie. Ah, ouais, mais bon. Je te jure, dès que je t'ai vu. Elle va se barrer, hein. C'est sûr. Dès que je t'ai vu, j'ai mon cœur qui a pincé. J'ai mon cœur qui a pincé, je te jure. Les blabla des mecs, surtout de Tinder, je les connais. Hein. Oh, arrête. Alors, regarde, attends, tu vois, bouge pas, regarde. Vas-y. Je criais que comme quoi je t'aime. Regarde. Non. Oh là, gênant. Que comme quoi je t'aime. Marie. Oh non. Je t'aime. Oh non, là. Par la fenêtre. Quoi? Non. Quoi, t'aimes pas? Bah, sinon tu vas la perdre. Prouve-le sur moi alors, vas-y, je sais pas, fais quelque chose. Sur moi? Je suis en face de toi, crier c'est facile, de dire prouve-le-moi. Ah, je t'aime, Marie. Elle est non, ridicule. Non, mais c'est vrai, je sais pas, je peux te faire un petit bisou si tu veux. Vas-y. Bah, tu sais, moi, je suis un peu timide à la base. Hein. Je suis un peu timide à la base. Bah, je t'embrasse la main. Vas-y. Bah, je sais pas. Mais ça, c'est pas comme ça que tu vas me le prouver. Hein. Bah, le elle biceps, en veut. Le biceps. Je peux remonter sur. Vas-y. Non. Non. Non, le coup. Prouve-le-moi, vraiment. Si tu me dis que tu m'aimes, là, que je suis la. Ah, bah, je galoche alors là, je galoche. Non. Bah, vas-y. Ah, je te galoche. Bon, vas-y. Bah. Ferme les yeux, vas-y. Yeux. Parce que moi, j'ai peur quand non, on pas regarde la galoche. De près. Ah! Allez, Prince Karma, les amis. Et puis derrière, la bande-annonce annonçant qu'il est recherché. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. C'est le Tinder de la peur entre Sylvain et sa jeune prétendante. Hein. Ils sont en train de discuter. On va mettre la bande-annonce annonçant qu'il est recherché. C'est maintenant. Et Sylvain m'a dit de le prendre. Il m'a dit de le prendre tout de suite. Ah ouais. Apparemment, ça se passe pas comme prévu son date. Ouais, ouais. Ça va, mon Sylvain? Ouais, je suis dans la cuisine, là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais pas, elle est trop chelou. Je sais pas. Un coup, c'est chaud, un coup, c'est froid. Franchement, mais t'as vu ce que tu lui as fait, mon frère? Hein. Sérieux, lui? Bah écoute, moi j'ai sorti la sérénade, hein, qu'est-ce que je te dise? Mais bon, apparemment. T'as crié par la fenêtre comme un con. Hein. Ouais, j'ai fait le bouffon, hein, qu'est-ce que je te dise? Mais bon, non, c'est trop chelou, franchement. Ouais. C'est pas mon délire du tout. Je sais pas. C'est pas trop. Faut mettre le flash. Mais le flash. Mais à mon avis, elle a du caractère, elle a pété un plomb, elle. Elle a pété un câble. Tiens, il y a Jem qui est de retour. Jem, tu l'as senti comment? Ouais, elle était un peu chelou, hein. Elle a fait une tête quand elle m'a vu sortir, je te jure. En plus, j'avais que la serviette. Elle a halluciné, après elle est mimi. Ouais. Mais je pense elle a du caractère, c'est pas chelou. Elle a fait que des trucs de ouf. Les places pour le ballon d'or arrivent, les amis. Sylvain, c'est bon. On va se faire le flash, d'accord? Elle va le découvrir, rechercher. Attends, mon Sylvain, tu vas, je te laisse mettre en place. Je te laisse récupérer la télécommande pour allumer. La perds pas. Ferme-moi tout, qu'elle s'échappe pas. D'accord. Derrière, on va vous offrir les places pour le ballon d'or. Ça va être énorme, les amis. On va se faire aussi un gros dossier sur la triche. Parce qu'il y a un truc. Il y a un truc sur la triche. On a des copains qui sont venus. On a un copain qui arrête pas de tricher. Il a une angoisse. Il a une angoisse. On parlera de la triche. Ça va être énorme, les amis. On revient à 3 minutes. Et le flash info. J'ai la petite pub dans la gueule et on revient. OK? Yes. Ça va être énorme. Allez. Les places pour le ballon d'or et que du kiff. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Au Koweït, un homme a été arrêté lors d'un contrôle routier et le policier trouve que le conducteur a mauvaise haleine. Ouais. Mais vraiment, vraiment mauvaise haleine. Mm-hmm. Au point que le policier lui émet un PV pour ça. Ah, c'est dégueu. Ah non, ça se fait pas. Alors le mec a contesté le PV, il l'a pas payé. Ah ouais. Parce que non, ce n'est pas une raison. Hein. Ça doit être la honte quand même s'il y a un procès, un truc. Ouais. Et ouais. Si tu vas en prison pour ça, j'aimerais qu'une banque et toi, Manu dans le 6-9. Manu, allez! 6h, 9h30 sur Énergie. Leclerc. Chérie, du 20 au 24 novembre chez Leclerc. Des offres exceptionnelles, des promos, des remises. Bref, c'est Black Friday chez Leclerc. Black Friday, Black Friday? Oui, Black Friday, Black Friday. Et avec cette année encore, plus d'offres sur le site blackfriday.leclerc. Du 20 au 24 novembre. Voilà. Du 20 au 24 novembre, profitez du Black Friday chez Leclerc. Retrouvez toutes nos offres exceptionnelles en magasin et sur www.blackfriday.leclerc. Et quand il y a Black Friday chez Leclerc? On est chez Leclerc. Cdiscount vous offre 15 000 euros de cadeaux pour le Black Friday avec énergie. Vendredi dès 6h. Écoutez Manu dans le 6-9. Et dès 17h, c'est Coé sur énergie. Pour le Black Friday, Cdiscount met en jeu 15 000 euros pour vous faire plaisir. 15 000 euros à gagner vendredi avec Manu et Coé. Énergie, hit music only. It's fun. interview sooner, but we were so alike. It's unfortunate because it's like, yo, when people die, that's when we like, you know? Because your remorse kind of makes you check them out. Va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Eh oui les amis, si vous nous rejoignez, Sylvain a reçu son date à la maison et ça y est, la bande-annonce va apparaître à l'écran et son date avec qui ça n'a pas matché du tout. Hein. Ah ben franchement, il faut le dire, la séduction, on l'a pas trop vue, mais on a vu que des contradictions. Il faut dire que Sylvain a été complètement ouf, hein, du poème à la pièce de théâtre, à je crie par les fenêtres, c'était n'importe quoi. Et là, on est sur le point de balancer la bande-annonce pour annoncer qu'il est recherché. On parlera de triche derrière et je vous offrirai des places pour le Ballon d'Or. Ah ouais. Bref. On est bien dans le ricochet sur énergie. 0870 70 42 48 pour nous rejoindre. JM. Tu vois, le Sylvain, dès qu'il y a quelqu'un de bien en face de lui, percez-moi. Tu vois, c'est fou. Dès qu'elle est un peu mignonne, un peu tac. Mais ça bon. Se voit. Les amis, on va voir. Elle a l'air d'avoir du caractère. Je pense que de découvrir son Sylvain recherché, déjà qu'elle a eu une approche des plus bizarres, ça va couiner. Ça va couiner. On se connecte avec Sylvain qui va allumer la télé et vous écouterez et vous entendrez au même moment cette bande-annonce. On se connecte avec Sylvain. Marie, je suis à la salle de bain. Oui. Je suis à la salle de bain, je me fais une petite toilette. Oh. Attends, je te mets les clips. Tiens. C'est un chien. Ça y est, il a lancé la bande-annonce. Voici ce qu'elle entend au même moment. Il était aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Nous ferons un point sur cette enquête hors norme et sordide. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Il y a eu un acharnement comme ça sur lui, et dans quelle situation il a pu se mettre pour en arriver là, quoi. Malgré tous les crimes qu'il a commis, Sylvain Potard reste aujourd'hui introuvable, un véritable fantôme. Alors quand frappera-t-il de nouveau? Si au cours de l'émission, vous le reconnaissez, n'intervenez surtout pas vous-même. Appelez le numéro vert mis en place spécialement 0800 70 42 48 car cet homme est extrêmement dangereux. Il va surprendre les enquêteurs, c'est la sauvagerie. Crime, la traque du terrible Sylvain Potard, c'est ce soir sur Énergie 12. Elle vient d'entendre la bande-annonce, on se connecte dans l'appartement. Oh là, elle fout le bordel, elle essaie de se barrer. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça crie. Ah, elle toque à la porte. Sylvain, t'es dans la salle de bain? Ouais, je suis dans la salle de bain là. J'entends. Ça couille, elle appelle tous les voisins. Laisse la laisser. Oh putain. Oh putain. Putain, Sylvain, Sylvain. Dis-lui que les couteaux, c'était pas pour le gigot, les couteaux pleins de sang. Vas-y. Quoi? Mais t'es folle! Mais ça! Tu vas me tuer! C'est de toi! Oh là là! C'est énorme! Normal! Mais elle va le tuer! Mais oh là! Dis-lui qui t'es, Sylvain! Dis-lui qui t'es! Dis-lui que t'es un grand méchant! Laissez-moi! Les petites sérénades, t'as qui toi là? Oh non! Ouais, les sérénades! Là, c'est un film d'horreur! C'est un film d'horreur! C'est un film romantique! Eh, c'est quoi les couteaux là? Du gigot, c'est quoi là? C'est le mec que j'ai buté hier soir! Ah, les voisins, ils vont venir, tu vas avoir des problèmes! C'est chaud là! Laissez-moi! J'ai buté! Attends, fais pas dans! Elle est venue avec des choses dans la gueule! Attends, rigole! Il a évité un bouquin! Y'a pas de bouquin chez toi! Ah non! Oh là là! Rico! Ouais! Oh là là là là là! Rico, dis-lui! Dis-lui quoi ? Il est recherché, madame, fuyez ! Non, c'est une vibe, vous êtes en direct sur Énergie. Sylvain est pas recherché, tout va bien, c'est une vanne en fait. Hein. S'il y a une bande-annonce, mais elle est enregistrée, elle est pas en direct. Sylvain est un homme chelou, ouais, mais très. Pas recherché. Pas encore. Ouais. Ça va venir, je crois qu'on est, dans la prémonition. Ça va, madame ? Ouais. Elle atterrit. Elle est soufflée. Eh, mais c'est toutes les émotions. Ah, vous êtes ouais, dans le ricochet, madame ? Ça va ? Elle tremble comme pas possible, là, vraiment. Elle tremble de ouf. Eh ben, pour une fois que je fais trembler une meuf. Profite. Profite, t'as fait kiffer. Non, mais en vrai, il vous plaît, il vous plaît, Sylvain, ou pas, en vrai ? Bah oui, il est pas mal, mais bon, c'est un tueur, quoi. Ah, c'est un tueur. Ah, Sylvain, t'as pas envie de faire un poème, là, tout de suite ? Franchement, quand je la vois, c'est pas un poème que j'ai envie de faire. Ah ouais, ouais. Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot. Oh. Ok, Sylvain, on la laisse récupérer tranquillement. Ah, ouais. Histoire de ouf. Hein. C'est énorme. Ça, c'était pas parti pour coller, eux deux. Ouais, je l'ai senti, les amis. On va continuer à parler tricherie. Et on a quelqu'un qui a un gros souci niveau triche. Elle a fait le 0800 70 42 48. Elle s'appelle Océane. Ça va, Océane ? Salut, Rico. Salut, l'équipe. Salut, la poulette. Alors, raconte-moi ce qui se passe, toi, niveau tricherie. T'as besoin de tout le monde, là. Ouais, mais en fait, j'ai un peu besoin de vous parce que je suis un peu une tricheuse invétérée. J'ai triché pour le brevet, j'ai triché pour le bac. En plus, pour en rajouter, j'ai une sœur jumelle. Donc, ça nous arrive souvent de tricher toutes les deux, d'échanger, par exemple, pour mon entretien d'embauche. Comme j'étais super stressée, bah, du coup, bah, c'est elle qui est allée à ma place. Oh là là. Ah ouais, carrément. Et avec les voilà. Mecs, vous trichez aussi ? Bah, ça nous est déjà arrivé, ouais, une ah fois. Ouais. Mais c'était plus pour ma sœur, pour le coup. Une fois, elle avait rendez-vous un soir avec deux mecs et elle s'est pas rendu compte qu'elle avait défini un date avec deux mecs en même temps. Donc du coup, bah, je suis allée à un, elle est allée à l'autre. Et tout le monde a fait jeu 7 et match ou pas ? Ça, je le garderai pour moi. Ah, on sent, elle l'a fait. Sinon, généralement, tu dis non. Non, je rigole, Océane, évidemment. Océane, t'arrêtes pas de tricher, t'es pas bien. T'es en pression parce que ouais, tu fais que non, tricher. Non, parce que en fait, voilà, ça devient tellement une habitude que maintenant, bah, je sais pas trop comment m'en sortir, je sais pas trop comment arrêter. Ouais. Et c'est pour ça que j'aurais besoin de vous pour avoir des conseils, quoi, pour arrêter, parce que ça me pèse vraiment. Bah, c'est bien que tu l'aies maintenant, parce que quand tu fais que tricher, un jour tu te fais serrer et tu restes jusqu'à 5 ans de galère, les amis. Oh, tiens, on se met Sopra et on en parle. Il y a les places pour le ballon d'or aussi, les amis. On va l'aider, les tricheurs. Alléluia, alléluia. Hermano Soprambaba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Oh ouais, ouais. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Oh ouais, ouais. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Na, na, na, na. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. Na, na, na, na. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Oh ouais, ouais. Les baffes, leur donner le tournis quand tombaient les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné là-bas, jamais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la Leyenda. Merci la zone. Jamais on trahira Allez, pour nous rejoindre, 0800 70 42 48, l'appel est gratuit. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben, personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Allez, c'est maintenant les amis, c'est le Réco Show sur Énergie. Et le Tinder de la peur était dingue, hein. Vous avez beaucoup réagi sur ça. Il va se faire tabasser Sylvain un jour. On nous dit oui, pourquoi pas. C'était super, nous a dit Mariam. Et puis il y a Gilas qui nous dit, moi je triche tous les jours, je me fais toujours cramer, c'est obligé. C'est comme ça, c'est vrai, quand on est tricheur et qu'on arrive grâce à la triche à passer des examens, à faire des trucs, après on a l'impression que la triche c'est essentiel. Ah mais c'est clair, et surtout qu'on a l'impression d'être neuneux. Moi je me rappelle au collège et même au lycée, je trichais tout le temps comme c'est la nana, je te jure. Je n'ai jamais appris un contrôle. Ah ouais. Jamais de toute ma vie. Et le jour où tu peux pas tricher, t'as l'impression que t'es pas bien. Que t'es nul et que tu sais pas faire. Ouais, vraiment, du coup, tu triches, tu te fais serrer, comme ça t'es tranquille, tu fais plus les examens. C'est ça. T'es bien, j'aime. Bah ouais, moi je trichais beaucoup aussi. Mais le truc, c'est que voilà, il faut le faire, on va dire, malheureusement, intelligemment, tu vois. Ouais. Genre, dans la calculette. Tu peux tout mettre dans la calculette. Oh non, mais évidemment. Mais tu passes plus de temps à tout rentrer dans la calculette qu'à apprendre. Et ouais, mais au moins tu te rends pas fou et c'est sûr. Tu arrives, le jour du contrôle, tu sors ta calculette et tu as tout décrit dedans. Mais après, je suis d'accord que tu passes beaucoup de temps à faire les pompes. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Moi, j'avais mis en histoire JO, j'avais mis la carte du Brésil dans mon slip. Mais non. Le problème, c'est que je l'ai passé, voilà, il faisait très chaud. Et ça s'est passé. Et lorsque je suis allé aux toilettes, elle avait bien bavé la carte. J'avais les montagnes, elles étaient plus au même endroit. J'étais dans une galère de dingue. Les anciens, ils étaient jaunes. Putain. Ouais, en plus, c'est des trucs avec des légendes et tout. Le rouge, il avait bavé partout. Ah ouais. Il faisait une chaleur. Bah oui, tu le passes l'été, le bac. Donc t'es pas bien, ça macère. T'as la carte qui fuit après. En plus, le Brésil, t'as choisi. Ah ouais, je peux te dire qu'il y avait des puits partout. Il y avait des volcans. Ça, c'est clair. Et c'est Océane qui a fait justement le 0800 70 42 48 pour nous dire qu'elle, elle triche sans arrêt et elle a envie d'arrêter. C'est ça, ma Océane? Ouais, c'est ça, ouais. T'es pas bien, en plus t'as une jumelle, du coup tu peux multiplier les coups, que ce soit pour les examens, les trucs. Et là t'arrives à 26 ans, t'as des concours à passer, des examens à passer, et t'as envie d'arrêter, quoi. Mais t'as l'impression que tu peux pas, toi, en fait, Océane. Bah, c'est ça, c'est comme dit Sarah, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai tellement triché toute ma vie que j'ai l'impression que si je triche pas, ça marchera pas, quoi. Ouais, bah je comprends. Bah, bouge pas, il y a Pierrot là qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Pierrot? Ouais, salut Rico, salut l'équipe. Salut Toulousain, oh. Toulousain, 24 ans, mon Pierrot. Toi, tu t'es fait un petit peu choper là, raconte. Ouais, ben moi, je me reconnais un peu dans ce que dit Océane, c'est-à-dire que j'ai tout le temps pompé, tout le temps triché. Ah ouais, toi aussi, tu sens. J'ai les techniques de fou. Et en fait, par contre, moi, je me suis fait vraiment serrer. Et ah ouais. Je me suis fait serrer au bac. Donc, t'as pompé et tu t'es fait serrer. Ouais, pourtant, je pensais avoir fait ça bien. Ouais. Et je me suis fait serrer, j'ai été interdit de 5 ans d'examen. Ah ouais, d'accord, donc t'as eu réclamation sur la pompe. Là, c'est chaud. D'accord, là, c'est ouf cette histoire. Et tu t'es fait serrer 5 ans interdit? C'est ça. Et c'était sur quelle épreuve, tu m'as dit? C'était sur une épreuve de maths. Alors, parce que disait JM, la calculette, enfin voilà, on l'a classique. Mais moi, je pompais tout le temps. Et en fait, j'avais essayé de surfer sur la vague des toutes premières mondes connectées. Ouais. Et je me suis dit, personne connaît ça, je vais pas me faire serrer, ça sera nickel. Ouais. Et sauf qu'en fait, à regarder trop souvent l'heure, là pour le coup, je me suis fait serrer. Oh putain, c'est chaud. Voilà. Tiens, raconte-moi un petit peu, Sylvain qui est de retour du Tinder. Ça va, mon Sylvain? Bah écoute, ouais. Hein. Ah ouais, ça a été chaud. Ah, c'était chaud, ouais. Oh là là, je sais pas. C'était chaud, mon, c'était chaud, c'était froid, c'était chaud, c'était froid, ça finit tiède. Ouais, c'était mi-cul, quoi. Ouais, c'était chelou. Ouais. T'aurais dû tricher. Ouais. T'aurais dû tricher. Je te vois trépigner là, parce que tu viens de rentrer déjà depuis une minute dans le studio, t'as envie de parler, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ouais, c'est un truc de ouf, mais j'espère que le mec, il s'est pas fait choper pour un coef 1, tu vois. Ah, imagine, ouais. En philo. Ouais, mais à mon avis, un mat là, chez Pierrot, c'était coef combien, ça, Pierrot? Ah ben c'est coef que quand il te fait serrer, c'est zéro direct. Ah ouais, d'accord, ouais. Putain, c'est chaud ça. Mais c'est surtout 5 ans d'interdiction pour passer tous les diplômes. Ah ouais, genre t'as le permis là et tout. T'as le permis du coup? Oui, Pierrot. Ouais, mais c'est, là ça jouait, c'était surtout sur les diplômes universitaires, c'est un bac et tout ça quoi. Ah ouais, et putain. Interdiction d'aller dans le... en université et tout ça, enfin voilà, ah ouais. C'est vraiment 5 ans sans pouvoir faire vers ça quoi. Oh putain, c'est galère, donc ça sert à rien de t'inscrire, tu peux pas y aller quoi, ouais. Finalement. Et encore, franchement, j'ai eu chaud parce que après du coup maintenant je connais un peu la loi là-dessus, ça peut aller jusqu'à 9000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Oh là là, ils sont durs. Putain, maintenant il est juriste en fait. Ça calme un peu, ouais. Et du coup on essaie de prendre la mesure des vraies sanctions possibles. Et déjà 5 ans sans pouvoir passer d'examen et tout ça, c'est vraiment chaud. Et franchement, je me reconnais absolument dans ce que dit Océane.

sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ay. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Allez, on est sur Énergie avec vous. Ça va être l'heure du canuit, les amis. Il s'appelle Émeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Eh oui, les amis, ça vous stimule, hein, cette histoire de triche. Vous êtes hyper nombreux au 0870 70 42 48 à débouler. On va garder ça, hein, Océane, on va la garder au chaud. On va en parler, évidemment. Comment arrêter la triche, vos triches. D'ailleurs, on peut tricher pas qu'à l'école. Hein. Je sais que vous êtes des tricheurs notoires. Oui. On aura toutes les confessions. Si vous avez une confession à nous faire, voilà, vous vous sentez pas bien. Aujourd'hui, vous avez un truc, vous avez envie de le balancer. D'appeler le 0870 70 42 48, dire voilà Rico, il faut que je te balance dans cela, je n'en peux plus. Eh ben, vous venez les amis et vous nous dites ce que vous faites, on vous dira si c'est grave, pas grave. Les copains jugeront, hein, qui écoutent l'émission ou pas, et vous donneront des conseils, n'ayez pas peur, hein, on est là pour confesser les petits trucs qu'on fait en bien ou en mal. Oui. Et vous avez ça sur le cœur, vous ne savez pas qui en parler. On est là pour ça. Oh, j'ai envie si de vous matez la voisine et que vous n'êtes pas bien, vous en parlez. Non mais c'est un peu ça. T'as envie de te confesser? Je te jure, j'ai tu vas prendre envie. Une fessée, toi. Oui, oh, père Rico. Oh non. Non mais c'est vrai, on va se faire ça. Vous venez maintenant vous confesser 0870 70 42 48 et puis on aide aussi Océane sur la tricherie. On va se faire aussi les amis le canuit maintenant sur Énergie et puis on aura le ballon d'or avec le devine mon nom. Sarah, est-ce que t'es prête? Je suis prête pour... On se fait l'appel police? L'appel police, monsieur Latour. Et en fait, c'est Clémentine qui veut piéger son papa. Et toi, tu vas te faire passer en fait pour l'officier Latour à Hénin-Beaumont. Et d'accord. Tu vas dire à son père qu'en fait, bah, Clémentine, elle a fait du recel d'objets coquins. Très bien. Eh ben écoute, on y va, c'est parti, c'est le canuit. Arrêtez tout, écoutez, tout le monde est en danger, c'est le canuit, le canular de la nuit sur Énergie. Eh oui les amis, et c'est l'appel police, Clémentine est avec nous d'Hénin-Beaumont. Comment ça va Clem? Ouais, trop bien, en forme. Clémentine salut, va Clem. Piéger allez. Son papa, les amis. Et oui, elle est à l'entraînement de foot ce soir et on l'a interpellée en direct de l'entraînement avec des objets coquins. Du coup, elle est placée en garde à vue. Oui, il y a eu un braquage, en fait, dans un sex shop juste à côté. Et du coup, pour qu'elle puisse sortir de garde à vue, son père doit s'accuser à sa place et dire que les objets coquins lui appartiennent. Ma Clem, est-ce que tu penses que ton papa va s'accuser à ta place? Je sais pas. Déjà, on va essayer qu'il y croit, hein, au taquet, parce que faut y aller, hein, pour que mon père croit les choses. Donc, si c'est le cas, je serais très contente. T'inquiète pas, l'officier de police judiciaire, monsieur Latour, est sur le coup et rien ne lui résiste. On y va. On appelle Eric, ton papa, et j'aurai besoin de toi pour nous crédibiliser à tout moment, d'accord? Pas de soucis, je suis au taquet. Tu l'invites à s'accuser, tu n'hésites pas, c'est parti, on appelle Eric, son papa. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, je suis l'officier de police judiciaire, monsieur Latour, à l'appareil, commissariat d'Hénin-Beaumont. Vous avez une minute à m'accorder, monsieur ? Oui. Je voulais vous parler de votre fille, monsieur. Quelle fille ? Clémentine. Oui. Votre fille a eu des objets coquins sur elle. Hein, elle s'adonnait à du recel d'objets. Un petit peu de la vente sous le... N'importe quoi. Si, si, si. N'importe si, quoi, si. Mais arrêtez une connerie. Je vous le dis, elle est en garde à vue. Vous voulez que j'aille la chercher ? Bah, passez-la, moi, oui. Ok, allez, allez me chercher la petite, la gamine, celle qui a 22 ans, là. Ouais. Je vais venir vous la récupérer, vous allez vite comprendre. On l'a interceptée en train de faire du recel. Ouais, elle est là. Assieds-toi, Clémentine, assieds-toi. Voilà. C'est bien ton papa qui est au téléphone, Clémentine ? Allô ? Ouais, Clémentine ? Oui, papa, oui. Bah c'est quoi ce truc là ? Bougez pas, bougez pas. Laissez-la de côté. C'est bon, vous le croyez, monsieur ? On est tranquille ? Ah ouais, je vous crois là. Bah ouais, qu'est-ce qui se passe exactement ? Bon, je vous explique. Elle était dans son vestiaire de foot. D'accord ? Oui. Elle s'adonnait à du recel d'objets coca. Bon, rien de très grave jusque-là. Sauf qu'on a été alerté parce qu'il y a eu un braquage d'un sex shop il y a 3 jours du côté d'Hénin-Beaumont. Et le souci que nous avons, c'est que nous pensons que ces objets proviennent de ce braquage. Donc elle s'adonnerait à de la vente d'objets volés. Bah, elle vous a expliqué, non ? Bah, elle m'a expliqué qu'effectivement c'était vos objets et le proc m'a demandé de vérifier avec vous. Voilà. Donc moi la question elle est simple, est-ce que ces objets vous appartiennent, oui ou non ? Si vous appartiennent, je la libère, vous êtes tranquille. Bah écoutez, je peux pas vous répondre, moi j'ai pas, j'en sais rien, faudrait voir avec ma femme. Écoutez, je vais vous passer après, votre... Ça dépend ce que c'est. Bah écoutez, passez-la, moi c'est quoi cette histoire ? Je vous la passe, bougez pas. Ouais. Allô ? Ouais, papa. C'est quoi ce bordel là ? Papa, s'il te plaît, je t'expliquerai, dis que c'est toi et que c'était bien chez toi. J'ai essayé avec des copines de foot. S'il te plaît, dis que c'est toi, je t'expliquerai, c'est trop compliqué. Ouais. Je suis dans la merde, papa, je te promets, dis que c'est toi, je te promets, s'il te plaît. Bah oui, hein, mais putain, c'est quoi ce... Je t'expliquerai, papa, je te promets. Franchement, tu m'expliqueras ce que c'était conneries, là, franchement. Mais je t'expliquerai plus tard, je te promets, mais s'il te plaît, dis que c'est toi, s'il te plaît. Ouais. Merci, ouais, merci. Allez. C'est bon. Allez, hop. Ouais, c'est bon. Je vais la ramener. Je prends le téléphone. Oui. Alors. Ouais, bon. Elle l'a pris chez moi, ouais. Si elle me le dit, c'est pas une menteuse. Il va falloir que je fasse une déposition assez claire pour le proc, hein, c'est important, d'accord ? Okay, alors, pas de soucis. Qu'est-ce que vous faisiez avec des menottes fourrées, monsieur ? J'en sais rien. Il va falloir trouver quelque chose de crédible, allez-y. Pour faire un cadeau à quelqu'un ou je sais pas. D'accord, c'était pour faire un cadeau. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez avec un tirelet, monsieur ? C'était pour offrir, hein, que vous, je vous dise, moi, je fais rien qu'un tirelet. Très bien, alors offrir, ça peut passer. Ok, le tirelet pour offrir, ça va passer. Ok, ensuite, hein, qu'est-ce que vous faisiez, je vous ai demandé, avec le fouet ? Bah, je m'amusais avec. D'accord, je m'amusais avec. Qu'est-ce que vous faisiez avec exactement ? Rien, je me déguisais. Je me déguisais, très bien. Voilà, ça commence à prendre forme. Très bien, qu'est-ce que vous faisiez avec un bijou d'anus ? C'est quoi, c'est vidéo gag ou quoi? Non, c'est très sérieux, monsieur. Qu'est-ce que vous faisiez avec un bijou d'anus? Décorer ma femme, moi, là, si vous voulez. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec un string bonbon? Je mangeais ma femme pour Halloween. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec une ventouse? Je me touchais avec. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec des chaussures à talons de 13 cm? Je vais me déguiser en drag queen. Et qu'est-ce que vous faisiez une fois en drag queen? Je me promène. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec un œuf vibrant ? C'est le dernier, là ? Il en reste 2, allez-y. Je l'introduisais et je jouais avec la télécommande. D'accord. Vous l'introduisiez où ? Dans l'anus. Très bien. De qui ? De moi. D'accord. Et pour terminer, les talons, j'ai fait, tata, j'ai fait. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec le dernier objet qui est un pince-téton, monsieur ? Vous allez me prendre la tête toute la soirée ou pas ? Vous êtes en direct sur Énergie, c'est une blague ! Ouais ! Votre fille vous a piégé, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show ! Ouais ! Prévenez votre frère, votre sœur, vos potes, et même votre chien. Le Rico Show, 20h-23h, sur Énergie. Ça va, monsieur ? Ah ouais, putain, mais j'ai eu trop. Allez, papa. Putain, j'étais fou, mais quand j'ai eu ma fille en pleurs, alors là, j'étais encore plus fou. J'ai dit, c'est quoi ce truc, là ? Qu'est-ce que vous faisiez avec un tirelet ? Tout va bien. Non. Et on embrasse le Nord et Hénin-Beaumont, évidemment. On fait plein de bisous. Salut, Hénin-Beaumont. Ciao. Salut, Eric. Salut, papa. Salut, merci. Bisous. Ciao. Ouais. Ciao. Salut, ma Clem. Bravo, ma Clem. Bravo. Oh. Allez les amis, on a encore plein de choses à faire. Il y a du monde qui est arrivé sur les tricheries, mais surtout, on va parler de vos confessions. Et les confessions en tout genre arrivent au 0870 42 48. Décidément, vous avez besoin de vous confier. Il y a du très très lourd. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Allez, on est avec vous et vous êtes nombreux à vous être confessés au standard. On va vous prendre, tiens. Le Rico Show. Le Rico Show, c'est votre émission. Alors, passez à l'antenne. Passez à l'antenne. 0870 42 48. Et grâce à Sylvain Radin, l'appel est gratuit. On dit merci qui ? Le Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui, les amis, on est en direct. Il est 21h55 et on va vous faire gagner les places pour le Ballon d'Or. Vol, hôtel, resto, il y a tout qui est compris, les amis. Vous allez pouvoir kiffer et rencontrer Messi, Griezmann, Ronaldo. Vous allez vous faire kiffer. Pour ça, il faudra deviner l'âge d'une de nos auditrices, rien qu'à sa voix, rien qu'à son intonation, et vous pourrez vous inscrire. Hein. Vous appelez, vous vous inscrivez, hashtag Ricocho sur Énergie, direct. Vous venez, vous passez à l'antenne. Tac, c'est gratuit. Vous allez pouvoir voir les plus grands joueurs de la planète. Non. Franchement, c'est un kiff de ouf. On va s'écouter aussi Big Flo et Oli très rapidement. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras. Calvin Harris. Et Vitaly Slimane. Et les amis, on a parlé de tri, vous êtes nombreux à réagir, mais ça va se confesser. Tiens, Sarah, si t'avais une confession à faire là, tout de suite. Bam. Ouais, j'ai une confession pour donner dingue. L'exemple à tout le monde, là, à ceux qui n'osent pas appeler pour se confesser d'un dos qu'ils ont commis. Moi, c'est grave, parce que c'est même pas moi qui l'ai commis. Moi, j'ai un ami gay, tu vois. Et il n'y a pas longtemps, il m'a montré une photo. Il m'a dit, tiens, il y a un homme marié qui me court après depuis pas mal de temps. Ouais. Et en fait, voilà, il m'envoie des photos de son sexe et tout. Il me montre. C'est Mehdi. Et non. Le mec de Sarah. Alors, ça aurait pu, je vais pas donner son blaze, mais c'est le mari de ma pote. Ça fait 7 ans qu'ils sont mariés et je sais pas comment lui dire. Mais et non. Je vous jure, ce n'est pas une blague. Il se tchatche depuis des mois. C'est pas depuis vrai. Des mois. Et enfin, il lui a envoyé une photo avec sa teuté. Et mon pote, je dirais pas son nom, il m'a dit, mais je suis au courant, il est marié, etc. Il fait l'hétéro. Et en fait, le mec... Et ta pote, tu la crois? Je lui ai pas dit. Non, elle habite dans le sud, mais je lui ai pas dit. T'as que des copines qui couchent pas avec leur mec. Et du coup, confession de dingue. Si elle m'écoute, c'est l'occasion. Mais je sais pas comment c'est pas faire. Vrai. Et qu'est-ce qu'elle doit faire là? Franchement, après, tu sais, moi, j'aime bien la discussion. ouais. Il faut direct ils ont des enfants ouais, mais ouais, c'est chaud. Ah c'est chaud, c'est chaud, tu peux pas Sylvain. Bah sinon il joue au petit train, tu vois. C'est ça, le mec, aime les hommes. Ouais. Bah, apparemment. Donc, voilà, il s'emboîte les trois. Il sera jamais d'accord, mais t'es fou. Ah oui, toi. Bah, quoi, ah oui le petit train. Il est bizarre ce train, hein, c'est... La queue leu-leu, quoi. Ouais, la queue leu-leu, quoi. C'est un petit peu ça. Ah ouais, il va y avoir de la vapeur. Ah ouais, ça va y aller sec, là. Ouais. Ah, t'es cheminot, toi, tes heures perdues. Tiens, non, mais c'est vrai, c'est dur. Venez vous confesser comme ça, vous avez un truc sur le cœur, vous l'avez jamais dit à personne, vous venez nous le dire. Et puis on en parle. Tiens, il y a Rachel là qui est avec nous. Elle a fait le 0800 70 42 48. Ça va Rachel? Salut Rico, salut l'équipe. Salut, salut Rachel. Alors Rachel, elle est bretonne et elle a commis un péché. Raconte. Ouais, j'ai fait une petite bêtise le week-end dernier. C'était pas prévu. On est sorti avec des potes et voilà, j'avais plus beaucoup de sous sur le compte et on va dire que j'ai emprunté 50 euros à maman, mais elle est pas au courant. Oh là là, ah ouais. Mais tu l'as pas emprunté quoi, tu l'as piqué quoi. Tu as piqué. Oui, voilà. Ouais, piquer 50 euros à sa mère, c'est pas beau. Elle galère un peu ta mère ou pas? Non, mais bon, voilà, je m'en veux quand même. Et c'est sinon, cool, elle te les aurait réclamé. Ah ouais, c'est dur ouais, ça. Mais bon, elle demande quand même où c'est passé, quoi. Du coup, je sais pas. Moi, j'ai jamais piqué de l'argent à mes parents. On a tous fait ça. Oui. Quand tu te donnes un petit billet pour aller acheter la baguette, tu rends pas la monnaie. Ouais, ça va, t'achètes un malabar. Ben oui, voilà. Je veux dire, là, l'histoire, 50 euros. Attends, mais moi, pire, ce que je faisais, ils avaient une enveloppe avec un peu de cash et c'était 20 euros par jour, je prenais. Non. 20 balles jour, je faisais un salaire, mon pote. Arrête. Et ils voyaient rien? Bah, si, à la fin, putain, le couscous ça rapporte là, je vais mettre dans la boulette aussi. Rico, c'est pas toi qui te mèches avec l'État en plus? Ah ouais, y a pas une petite... ça dénonce. L'argent liquide, c'est pas déclaré du fisc. Non, ben Rachel, écoute, ferme les yeux, voilà, mais ne refais pas. Putain, c'est pour moi, je trouve pas ça beau. Ouais, en plus, ta mère, je suis sûr que tu lui demandes, elle te les donne. Bah ben oui. Bah ouais, mais c'est pour ça que je m'en veux, mais je sais pas comment lui dire. Mais tu les rends en scred. Bah, tu les rends en scred, voilà, ouais, il a raison Sylvain, tu les rends, bah rends-les. Un de ces quatre, tu les poses, voilà, et puis ça t'aura fait amende honorable. Ouais, sinon tu le fais pas en scred, justement, tu dis pas maman, la dernière fois, voilà, j'ai besoin d'argent et je te les ai empruntés, justement, je te les rends, c'est pour te prouver ma bonne foi. Ah, c'est beau, ça c'est beau. Là c'est bien. Et du coup, elle va croire qu'elle a une fille super alors que c'est pas le cas. Voilà. Et la semaine d'après, tu reprends 100 euros. Ouais, non, moi je trouve pas mal. Eh Rachel, fais-le, fais ça, rends-lui les 50 euros, ok? Bon, on t'embrasse, Rachel, on va te faire un cadeau, je vois que t'es sur la paille. Voilà, c'est bien. Bonne soirée. Bisous à Rachel, t'as un amour. Venez faire comme Rachel, racontez-nous vos péchés. Oh là, il y a du très très lourd. Oh là là. Oh là là. Quoi? Oh là là. Il y a un mec qui. Oh là, il y a deux histoires de Huck. Ah ouais. Deux coucheries. Encore? Ouais, mais deux différentes. Deux différentes et pas sales. Pas sales ni chelou. Voilà, correct. Mais il y a un petit problème. Voilà, c'est pas un truc de tromperie et tout, je vous rassure. Ah, ça va. Mais il y a un truc derrière. Ah ouais, il y a un lièvre sous les couilles. Big Flowly sur Énergie, on est là jusqu'à 23h et on va parler de tout ça, les amis. Et puis le ballon d'or arrive, le petit jeu là dans 5 minutes. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard. On est dans les confessions du Rico Show. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Eh oui les amis, on va commencer par Grégory parce que Laura c'est très chaud. C'est très chaud mais Greg aussi c'est pas mal non plus. Ça va mon Greg ? Ouais, salut Rico, salut l'équipe. Salut mon Greg de Valenciennes. T'as fait le 0800 70 42 48, tu t'es confessé. Qu'est-ce qui t'arrive mon Greg ? Alors moi, voilà, petite histoire, j'ai couché hier soir avec la meilleure amie de ma mère. Oh là là, c'est chaud. Ah ouais, Monique. Ah ouais, Monique, ouais. La mère de Sylvain, bien sûr. Grégory, ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça dérape. Elle a quel âge ta mère déjà ? Alors, ma mère, elle a une cinquantaine d'années. Ah, quand même. D'accord. Donc en fait, c'est une dame que je connais depuis un petit moment. Ouais. Et hier, on a été boire un verre et puis bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Oh là là. Et t'as pris du plaisir, Grégory ? Bah, elle m'a fait découvrir certaines choses. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi aussi, je me tâte à me faire la Sarah. Je pense que sa vieillesse nous apprendra des choses. Bah, attends, t'as 62 ans. Mais j'ai 32 ans. Ah merde. Elle va rien t'apprendre, bah, frérot. Ah, c'est vrai. Et puis moi, j'ai des sécheresses intimes, donc ça marchera pas. Ah ouais, on était pas au courant. Non, mais Grégory, vu que t'as l'air à l'aise avec les personnes âgées, je peux te passer Sarah. Ouais. Elle a 32 ans, mais 69 dans sa tête. Bah, allez. Même 89. L'an 99. Ouais, et puis en bas, c'est 150. Ouais, d'accord. Non, ça se passe bien, moi, ça. Et Greg, t'es comment ta mère ? Est-ce qu'il faut qu'il dise à sa daronne, là, Sylvain ? Bah, bien sûr, il faut qu'il lui dise. Ouais. Bah, oui, attends, mais c'est pas la famille. Ouais. C'est la meilleure amie, ça fait bah, quoi ? Oui. Bah, bien sûr. Ça sert à quoi, les meilleures amies des daronnes ? Bah, ouais. À ça. À part pour les clés quand t'as oublié les tiennes. Ouais. Et je pense que comme elle t'aime, elle va dire, ah bah, c'est pas mais grave. Oui, on vit dans le monde des bisounours, elle va plus parler à sa pote et à son fils, t'es arrête, bête ou quoi, mais ça toi. Fait quoi ? Mais ça fait quoi ? Mais tu vis au pays des libertins, toi. Mais il est marié, Greg, t'es marié. T'as quelqu'un dans ta vie ou pas ? Non. Bah coup. Voilà, ça fait quoi ? C'est un petit crunch. Est-ce que la mère de ta... Enfin, la pote de ta mère, elle est avec quelqu'un ? Bah, c'est tendu actuellement. C'est c'est pour ça qu'elle est venue vers toi. L'instant de divorce, on connaît. L'instant de divorce, ça, c'est le commerce, c'est sympa. C'est le meilleur, ça. Et d'ailleurs, pour lui, c'est l'instant, c'est pas l'instance. Alors, comment est l'instant de divorce, Sylvain ? T'aimes bien, tu profites, toi ? Bah, bien sûr, parce qu'elle sait, elle sait pas où elle est, en fait. Ouais. Elle est un peu dans le noir. Donc, ouais. Bah, moi, j'ouvre les lumières. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Merci, hein, l'halogène, on l'appelle. Il est con, celui-là. Et après, quand elle est divorcée, en plus, tu la vois qu'une semaine sur deux, qu'un week-end sur deux. Ah ouais. Parce qu'après, elle a les enfants, comme ça, tu prends pas la tête. C'est vrai. C'est pas mal. Tiens, bah, la mère célibataire est en vogue. Écoute, Grégory, garde-la sous le coude pour pas dire autre chose. Non, mais sinon, en vrai, franchement, tu peux ne pas lui dire, tu vois. Ouais. T'as rien fait de mal, et c'est pas grave, franchement. Au pire, tu lui dis pas, tu laisses couler. Faut juste pas que ça devienne ta vraie meuf et qu'elle envisage une vraie relation avec toi. C'est tranquille, juste ça, mon Greg, voilà. Mais par contre, à mon avis, soit tu clôt tout de suite l'affaire, et puis une fois et plus, sinon ça va finir par se savoir. Ouais, si t'en angoisses par rapport à ta mère, c'est bon, tu clôt l'affaire. Après, si c'est trop bon, ben t'es trop con. Ouais. Moi, je dis continue. Voilà. Continue pour Sylvain. Ouais, je suis pas sûr, ça dépend. Sauf si c'est vraiment la folie au lit, ouais, vas-y. Sarah. Mais jamais, t'imagines, Sylvain, t'as une fille un jour, elle couche avec Rico. Ouais. T'acceptes ça... Non, C'est chaud. Bah, t'es fou, toi ? Bah, non, mais c'est pas pareil. Une fille, c'est pas pareil. Une fille, c'est pas pareil. J'aime la taper, ta fille. C'est le mec qui t'angoisse. Il va jamais faire de gosse comme ça. Il faut lui dire on va tous se taper ta fille. Ouais. Que tu ne te reproduises surtout pas. Non, non. Là, bah. On veut pas que tu te reproduises, mon Sylvain. T'as fait déjà assez de mal depuis des décennies. Il y a un arbre généalogique du mal que t'as fait, ta famille et toi. Ça, ouais. Stop, stop au potard. On en veut plus. Surtout que s'il se reproduit, le bébé, quand il sort, il va faire 10 kilos. C'est bien, t'es en train de te confesser sur moi là. Ah ouais, bah hein, écoute, on est en pleine confession. Attends qu'on parle de ta frangine. Ça arrive. Grégory, merci d'être passé te confesser là. Ça fait du bien, Grégory, de se lâcher comme ça. Ouais, ça fait du bien. Lâche les vannes, lâche les vannes. Ouais, lâche les pressions. Ouais, lâche. Lâché deux fois en deux jours. On accueille Laura qui a fait 0870-42-48. Ça va, Laura ? Ouais, ça va, être Rico. Salut à tous. Écoute, impeccable. Laura, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu te confesses ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je me confesse parce que j'ai couché pour réussir, tu vois, il y a à peu près 6 mois. Oh là là, le dos. Laura va se confier pour coucher, pour réussir. Et les amis, Laura, tu bouges pas. Les amis, je sens bien cette histoire. Pour réussir de quoi a-t-elle couché ? C'est quoi cette histoire là ? T'as déjà couché pour réussir, Sarah ? Mais jamais, j'ai pas besoin de mais ça. C'est pas avec ta voix que t'as chanté, hein, je peux te le dire. Mais bien sûr, c'est avec ma voix en flûte. Ouais, c'est ça. Mais non, le problème, c'est qu'on lui a jamais proposé à Sarah de coucher. Non, non, mais le pire, c'est que c'est lui qui a couché pour réussir et tu me tournes sur moi. Tu crois qu'on connaît pas ton parcours ou quoi ? Mais je suis pas, quoi. Avec la sueur de mon front. Je veux dire, Sylvain, l'entretien était très performant. T'as mal au rire. L'entretien à l'oral. Ah bah, même à l'écrit, ça expliquerait. Il a un poignet d'enfer. Tiens, on a Betty qui est là. Elle a fait le 0870-42-48. Puisque, justement, vous allez vous confronter à sa voix pour le ballon d'or. Ouais. Vous allez devoir deviner son âge. Je dis bonjour à Betty, comme ça vous commencez à réfléchir. Allez, okay. J'adore Betty. En plus, je vous le dis, je la kiffe. Ça va, Betty ? Oui, bonjour, ça va ? Bonsoir, Betty. Salut, Betty. Merci, Betty, d'être là. Ça va bien. Betty, comment tu vas aujourd'hui ? Ça se passe bien ? Ça va super. La journée a été super chouette, un peu calme, mais un petit peu de sport et puis un petit peu de shopping, un petit spa après pour me faire du bien. Le spa, c'est sympa. J'aime bien, quoi. Ouais, un petit spa. T'aimes le spa, toi, Sarah ? J'aime bien. C'est le spa qui m'aime pas, quoi. D'accord, ça y est, on a une idée de l'âge. T'as 32 ans, Betty. Alors, à vous de deviner l'âge de Betty. Elle a commencé à s'exprimer sur la voile. Je rappelle qu'il y a le vol, il y a l'hôtel pour le ballon d'or. Vous faites le 0870 42 48. Vous venez et puis Laura va nous raconter comment elle a couché pour réussir. J'ai hâte. Betty, est-ce que t'as déjà couché pour réussir ? Non, jamais. Ah, elle est très jeune. Je rigole, évidemment, c'est une vanne, il ne faut jamais le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Laura vient se confesser, parce qu'elle en a gros sur la patate. On en parle après Promise. Are you drunk or now? Gonna judge what I'm doing. Are you high now? To a skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You are acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You everything tonight. Cause I need your green light. Day and night. Say the truth in mind. Cause I need your green light. Day and night. Say the truth in mind. Say the truth in mind. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Allez, on est là jusqu'à 23h. Vous avez entendu Betty donner son âge. Hashtag Ricocho sur énergie. Et vous pouvez remporter des places pour le Ballon d'Or ou en nous appelant 0800 70 42 48. Faites-nous des propositions. Tiens, il y a le vol, l'hôtel, Griezmann, Mbappé. Toutes les rencontres avec tout le monde. On va voir Laura qui se confesse. Elle a couché pour réussir. Ça, l'histoire. Aïe. On va en parler. Mais on était sur la triche et on a enfin trouvé quelqu'un qui veut parler à Océane et lui expliquer son parcours et lui dire voilà. Faut que t'arrêtes de tricher puisque Océane, elle a une sœur jumelle, elle arrête pas de tricher et elle est en angoisse. C'est pas vrai, Océane, ça, t'en peux plus, mais t'arrives pas à t'arrêter. C'est ça, j'en peux plus, mais en même temps, voilà, je me dis bon, allez, encore une de plus, c'est pas celle-là qui fera la différence. Oh et encore une de plus, encore une de plus, et en fait, je m'arrête pas. Quoi. T'as, on dirait chez quelqu'un qui trompe. Alors qu'elle triche, elle se ment à elle-même, et puis après, elle arrive avec sa famille, avec tous ses diplômes. Oh c'est vrai que des fois, si ça c'est, après, t'as l'impression que ça n'a pas la même valeur. Bah ouais, ouais. Après, à un moment donné, tu vois, elle va faire la tricherie de trop, comme on dit. Et là, bam, je peux te dire que là, c'est la catastrophe. C'est vrai, la grande cata. La grande cata, la grande potarde. Liliane a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Liliane? Bonjour, salut l'équipe, salut Rico, ça va et vous? Salut. Ça va, poulette? Alors raconte-moi, Liliane, tu voudrais t'adresser directement à Océane. Vas-y, parce que tu veux la calmer, vas-y. Alors Océane, alors moi j'étais comme toi, je trichais comme tout le monde au collège et tout jusqu'au jour où j'ai perdu. Oula. Ouais, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma meilleure amie, mon pote, et tout le monde m'a tourné le dos du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pris le téléphone de ma meilleure amie parce que j'étais à fond sur son copain. Je l'ai pas dit. Coupe la radio, Liliane, parce qu'on t'entend avec la radio. Je pense que t'as la radio. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris son téléphone et en fait, je l'ai fait rompre elle. Sur son mec, et en fait, je me suis fait passer pour elle. T'es dégueulasse. D'accord. Parce que, en fait, t'as voulu tricher pour choper son mec, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais t'es allé trop loin, t'es malade. Oh là là. C'est plus de la triche, là. C'est plus de la triche, là. C'est usurpation d'identité. Ah ouais. C'est de l'ordure, là. Ah ouais, et du coup, tu as fait genre, tu lui disais stop avec son mec pour que le mec vienne vers toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et t'es toujours avec le mec, là? Non. Et ça a commencé depuis petit, tu faisais que tricher, et puis à la fin, t'es arrivé sur de la grande tricherie, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, je faisais comme tout le monde, quoi. Je trichais comme tout le monde, comme tout à l'heure vous disiez, au collège, au lycée, voilà, on fait des pompes et tout. C'est jusqu'au jour où, en fait, où là, on se prend une claque dans la tronche, quoi. Donc, et ça devient un mode de vie, quoi. C'est ça. C'est ouf, c'est comme Sylvain, il a pété du thon hier. Je t'ai pas raconté, Liane. Ah, le fameux, ça c'est longtemps, j'avais oublié. Il a chopé des boîtes de thon chez Franprix, il s'est fait serrer et j'ai peur qu'il nous vole maintenant. Attention, tu veux la neuf, voilà un bœuf. Et j'ai l'impression d'être le bœuf. J'ai très peur, non, mais je comprends. Océane, tu comprends ce qu'a dit Liliane? Ouais, je comprends. Et puis c'est vrai que je me dis que tout ce que vous me dites là, ça me fait réfléchir et je me dis que si je me fais choper, quelle image je vais avoir devant ma famille, devant mes potes et tout. Et vraiment, ça motive encore plus. Si vous voyez une Océane à Nantes de 26 ans, croyez-vous. Je rigole, Océane, c'est tout ça pour te prémunir. Comme ça, tu diras non, je triche pas. Mais prémunis-toi, fais gaffe, tu vas te faire serrer. On t'embrasse, Océane. Tu perds, je comprends, Lily. Merci, en tout cas. Franchement, merci de votre aide, c'était cool. Et franchement, merci. On t'aime, Océane, je te fais plein de bisous. Et merci, Liliane, d'être venue aussi. On t'aime, Liliane. T'es un amour. Merci à vous, bonne soirée, merci, continuez, restez comme vous êtes. On te kiffe, ma Liliane, plein de bisous. Merci d'être passée, Océane et Liliane, qu'on adore. Et franchement, c'était hyper sympa. Tiens, la confession, elle est là avec Laura qui souhaite se confesser. Vous savez, elle a couché pour réussir. Ça va. Oui. Laura, tu vas nous raconter, explique-nous juste le cadre, explique-nous cette histoire. En fait, c'était lors d'un entretien d'embauche. Ouais. Et ça a dérapé total. C'était avec l'employeur qui cherchait à t'employer, c'est ça, Laura? Voilà, c'est ça. Ah bah écoute, tu bouges pas, on va en parler les amis. On se fait une toute petite pub. Derrière, on aura le ballon d'or pour Betty. Betty, est-ce que t'es toujours là, ma Betty? Oui, je suis toujours là. Betty, est-ce que tu sens que quelqu'un va trouver ton âge aujourd'hui ou pas? Ah, je ne sais pas, ça va être la surprise. Betty, t'habites dans quel coin? J'habite en région parisienne. D'accord, ça se passe bien, ça se passe bien en région parisienne. T'aimes bien, t'es originaire d'ici ou pas? Je suis originaire de Paris, je suis née à Paris. D'accord, donc une parisienne. Sylvain, oui. C'est la sœur à Stéphane Bern? Est-ce que tu es la sœur de Stéphane? Est-ce que tu fais des musées de temps en temps ou pas, Betty? Est-ce que je fais par contre des musées? Des musées. On parle comme non, lui. Non, très peu. Très peu de musées, c'est pas ton délire. Très peu, non, pas du tout. Tu fais du tricot ou pas, Betty? Ça veut rien dire, je fais du tricot. Non plus. D'accord. Non. Est-ce que tu es sur Tinder, Betty? Non. D'accord. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord, elle n'a pas besoin de ça. À vous de deviner son âge, là, Sarah, tu dirais? Moi, je dirais 62. 62, Sylvain? 40 piges. 40 piges, IM. 30. 30 piges, il y a un petit peu tous les âges. Dites-nous, hashtag Ricochet sur énergie, 0800 70 42 48, le ballon d'or à gagner. Et puis on revient sur la coucherie pour réussir. Êtes-vous prêt à gagner 10 000 euros? Écoutez ce son. C'est le son à 10 000 euros sur énergie. Tu utilises une machine à écrire. Tu fermes un briquet Zippo. Demain matin à 8h30. Écoutez Manu dans le 6-9 sur énergie. Trouvez-le et gagnez 10 000 euros cash. Oh putain! C'est facile, c'est le son à 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est uniquement sur Énergie. Cdiscount vous offre 15 000 euros de cadeaux pour le Black Friday avec Énergie. Vendredi dès 6h, écoutez Manu dans le 6-9. Trop bien, merci Manu! Et dès 17h, c'est Coé sur Énergie. Merci Coé! Pour le Black Friday, Cdiscount met en jeu 15 000 euros pour vous faire plaisir. 15 000 euros à gagner vendredi avec Manu et Coé. Énergie, Hit Music Only. Energy. Always had a vision, always had high hopes. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. Eh oui les amis, on est là jusqu'à 23h avec vous. On a plein de choses à faire d'ici 23h. On va se régaler, on va kiffer puisqu'on a le ballon d'or. On vous envoie vol, hôtel, restaurant. Tout le monde peut le gagner. Vous qui êtes en voiture, à la maison, 0800 70 42 48. Ceux pour qui les rares, à qui ça n'intéresse pas, on a un cadeau pour vous. Donc vous choisirez entre les deux. Mais sinon c'est rencontre avec Ronaldo, Messi, Griezmann et tout le monde. Vous allez kiffer les amis. Ce sera à Paris le 3 décembre, tiens, la remise. Donc essayez de deviner l'âge de Betty. On va la faire reparler. Pour l'instant, il y a plein d'âges. 67 ans, 42 ans, 38 ans, 55 ans, c'est pas trop. Ou donner 48 ans pour Yanniv, hashtag Ricochot sur énergie. Tous un peu perdus. Mais on a aussi Laura qui s'est confessée. C'est la dernière confession de la soirée. Elle a couché pour réussir et elle veut vous en parler. On s'écoutera Vita Slimane. Et Kaiser Panda aussi. Sarah. Le sexe pour réussir, ça. C'est super commun. C'est super commun, arrête, vraiment. Mais je te jure, il y a même des restas, genre Lana Del Rey et tout, elle l'a dit, moi j'ai couché pour réussir. Mais si, elle l'a déclaré. Elle a dit, moi j'ai couché pour réussir. Avec un nom en Ré. Il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter qu'elle montrait sa Ré. Lana Del Rey. Non, mais surtout si son employeur, là, il lui plaisait, etc., pourquoi pas. Voilà, elle s'est dit, si je peux être embauchée, yalla, quoi. Yalla, on y va. Apparemment, t'as souvent dit yalla. Laura, raconte-nous un petit peu, toi, ton employeur, t'as couché pour réussir, t'as fait 0800 70 42 48, t'en as gros sur la patate. Raconte-nous ton histoire. Eh ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était lors de l'entretien, voilà, avec mon patron. L'entretien, au départ, ça s'est bien déroulé. Et puis, au fur et à mesure des questions, la façon dont il me parlait, dont il me regardait, et puis au moment de partir, quand il m'a plus ou moins serré la main, au final. Ça a dérapé à peu près à ce moment-là. C'est pas vrai, t'as senti dans la poignée de main ou t'as senti dans le regard avant? Oui, il y a eu un peu tout ça et au final, on s'est rapprochés et embrassés et la suite. Ah ouais, mais tu venais de le rencontrer, le trompa. Ah ouais. Ah oui, et après, c'est vrai que il avait pas l'air forcément plus emballé que ça de ce que je lui ai dit. Hein, donc j'ai profité un petit peu finalement. De la situation. Mais qu'est-ce que, sans en étant poli et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé après? Il t'a pécho, il t'a plaqué, il y a eu quoi? Ça a duré longtemps, c'était quoi? Il y a eu une. Tu veux du détail? Non, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez quoi? Il y avait un canapé, il y avait un bureau, ça a été comment? C'est il y ça avait, ouais, il y avait le bureau, il y avait. Hein. Il y avait un bon fauteuil, il y a eu une gâterie, il y a eu des petits trucs sympas. Ah ouais, d'accord, ça a duré combien de temps du coup l'entretien global? comme ça, je sais pas, en tout ça a dû faire une heure, mais en tout et pour tout. Un gros entretien. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il a vraiment épluché le CV. Déjà, il y a eu une bonne demi-heure quand même, de discussion, et puis après la suite. Bon, moi je vous le dis, je condamne ça. Il faut pas tout faire, il faut jamais le faire. Mais du coup, si je t'appelle, c'est parce que ça me pèse quand même. Parce que sais que du coup, tu vois, si j'ai mon poste là, c'est pas pour mes compétences pro. Et surtout, est-ce qu'il remet le couvert de temps en temps? Non. Non, passé. Non, là, c'est comme si, c'est comme si il s'était rien passé. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc ça a été une fois et plus, Sylvain. Moi, c'est pas elle la fautive, mais c'est le mec. Évidemment. Ouais. Bien sûr, c'est le patron. Tu vois, il utilise de son pouvoir pour arriver à ses fins. Après attention, je suis d'accord avec toi, le patron, c'est un connard d'accepter de ne pas l'avoir refoulé. Mais à qui a été l'initiative? Ça qui m'intéresse, Laura. Est-ce que toi, dans la poignée de main, t'as senti qu'il kiffait? Est-ce que t'as senti qu'il voulait te faire l'amour? Ou est-ce que c'est toi, naturellement, qui t'es dit je vais faire l'amour? Raconte, Laura. Non, je pense que c'est plutôt lui, mais je t'avoue que comme j'étais pas trop sûre quand même de moi par rapport à si j'allais avoir mon poste, vu que je me suis dit il y a peut-être une ouverture, écoute, j'en ai profité. T'as profité, mais c'est lui qui a tendu la main pour faire le dos, tu vois. Ah ouais. Voilà, ouais. C'est un peu ça. Disons que j'aurais pas senti peut-être cette. Mais c'est-à-dire, il t'a fait quoi avec la main? Il t'a serré, il t'a caressé, t'as fait une caresse, il a fait quoi? Non, ça a été quelque chose d'assez doux, tu vois, normalement, c'est une bonne poignée de main. Oui. Mais là, toi, quelque chose de doux. Moi, ma question pour savoir, c'est est-ce que toi, t'aurais pu, se serrer la main et puis repartir comme ça, comme si de rien n'était? Il t'a laissé, entre guillemets, c'était pas forcé, il t'a laissé le choix, quoi, c'est ça que je veux te dire, c'est ça que je veux comprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ah, il t'a laissé le choix, lui, il t'a montré une ouverture, un peu comme un mec qui mate une meuf, et après, de façon insistante, la nana comprend que si elle veut, elle peut aller lui parler, c'est un petit peu ça. Ou pas du tout? Ouais, et puis c'est au moment, toi, où il a dit bon bah écoutez, je vais réfléchir. Oui. Mais ah ouais. Avec le regard. Coquin. Ah ouais, il y avait le regard qui te laissait comprendre que s'il y avait ouverture et toi tu t'es dit bah je vais en profiter pour rattraper l'entretien, c'est ça? Voilà, exactement. Ah ouais, c'est chaud cette histoire. Ah ouais. C'est hyper chaud aussi. Ah ouais, c'est chaud. Faut pas le faire, mais. Jamais. Et si c'était à refaire, Laura, t'es comment? Tu le referais ou pas? Bah, vu le boulot actuel. Ouais, quand même, tu vois, mais bon, malgré tout, tu vois, voilà, j'ai quand même couché avec le patron, quoi. C'est pas très bien, mais bon, écoute. C'est dommage d'en arriver là, quoi. Ouais, puis le danger, c'est que le mec, il en profite et que ça se reproduise. Oui, exactement, imagine, il a fait passer 10 entretiens dans la journée, il a couché avec 10 meufs, il y a un problème. Ouais. Tu vois, il faut vraiment faire attention. Ah, c'est compliqué. Ouais, non, fais gaffe et ça risque de se reproduire. Moi, j'étais hôtesse d'accueil il y a longtemps et ma collègue, en fait, elle m'avait expliqué qu'elle avait couché pareil pour réussir. Pas à l'entretien, par contre, après avec le patron. Et normal, de temps en temps, dans la journée, elle est dans son bureau, elle s'est fermée et tout. C'est ça. Non, mais fais gaffe, fais gaffe. Moi, tiens, tu sais ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il y ait une personne. Tiens, tu vas rester avec nous, Laura, qui a déjà couché pour réussir. Si finalement, qu'est-ce que ça a amené par la suite? Parce que ça fait combien de temps que t'as l'emploi, toi, Laura? Ça fait 6 mois. Fait 6 mois. Ok. Et en 6 mois, il s'est rien passé? Non, rien de plus. Après, on verra s'il y a une promo à voir. Ah ouais. Non, t'as c'est chaud. Non, mais les gars, moi, je vous dis de pas le faire. Tiens, dites-nous, vous, à la maison, en voiture, là, 0870 42 48, si vous avez fait pareil, est-ce que ça déborde après ou pas? Là, ça fait 6 mois qu'elle est tranquille. Qu'est-ce qu'elle risque? En gros, Laura, venez nous le dire, Sylvain. Non, mais ce qui est bien, avec tes collègues, vous avez un point commun, au moins. Quoi? Parce qu'elles ont tous couché avec, je pense. Ah ouais, tiens, attends, Laura, tu bouges pas, tu vas nous dire si dans l'entreprise il y en a d'autres qui ont aussi passé sous le bureau. Putain, ça réfléchit vite. Ça va vite, Sylvain. Waouh. Le ballon d'or. Et puis on aura un gros kiff. Surprise. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Je te le donne, je te le donne, je te le donne, je te Allez les amis, c'est le Rico Show. Vous aimez le show? Vous aimez Rico? Ah oui. Vous allez adorer le Rico Show. Le Rico Show. 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, on est avec vous sur Énergie et on tente de découvrir l'âge de Betty. Betty qui est avec nous et vous allez d'ailleurs l'entendre pour gagner des places pour le Ballon d'Or. Mais Laura a couché pour réussir. Malora, avant d'avoir des personnes là, qui vont venir parler avec nous pour dire ce que ça va donner par la suite, hein, vous faites le 0870-42-48. Elle, c'est tout récent. Si vous avez couché pour réussir, est-ce que après ça dérape ou pas avec le boss? C'est la question qu'on a. Laura, Sylvain avait une question très juste. Il voulait savoir si toi, en ayant couché pour réussir, c'était le cas aussi de tes collègues. Alors, je sais qu'il y en a une, oui, qui est arrivée bien avant moi parce qu'elle s'en est vantée à une copine. Oui. D'accord. Et après, les autres, bah, c'est pas le genre de truc que tu dis. Hein. Et puis certaines, elles sont moches, donc je pense pas. Ah ouais, c'est tabou ça. Ah ouais, c'est chaud. Donc, ouais, le gars, il cumule. Après, peut-être d'autres, hein, mais voilà, bah, ça, oui, c'est pas le genre de truc que tu. Ouais, bah écoute Laura, il y a du monde pour toi là qui veulent te dire un petit peu comment ça risque d'évoluer, en tout cas puisqu'ils ont vécu la situation. Betty est toujours là, ça va Betty? Oui, ça va. Betty, tu vas voir le droit d'une question de chaque personne autour de la table là, de l'équipe. D'accord. Pour essayer de voir un petit peu l'âge que t'as en fonction de tes habitudes, si ça peut coller. Ouais. Sylvain, okay. Je voulais savoir, ta date de naissance, c'était sur quel film qui était sorti? Ah super, ouais, la question technique. Non, mais là quoi. C'est trop, mais attends, non, mais c'est trop technique. Oh là, Sarah. Voilà. Est-ce que tu as des chats? Non, pas du tout. Ah, t'as pas de chat? Ah oui, parce je que baisse. C'est quoi? Ah, tu baisses. T'avais dit 62 ans, toi, Sarah. Ouais, JM, est-ce que tu as des enfants? Oui. Ah, ok. Ah, elle a des enfants. Ouais. Ah. Ah, des aujourd'hui, attention, enfants. À 13 ans, t'as un gosse. Hein. Ouais, c'est pas ça. Il faut faire attention. Elle a des enfants. Très bien, Sylvain. T'aimes quel genre de musique? Ah oui, quelle est ta musique à toi? Ton kiff de musique? J'aime toutes les musiques qui sortent actuellement. Ton chanteur préféré, c'est qui, Betty? J'aime beaucoup Slimane. Ah, tu kiffes Slimane. D'accord. Essayez de trouver un petit peu l'âge de Betty. Sarah. Alors, t'es plutôt permanente ou brushing bien lisse? Ah. Brushing bien lisse. Ah. Brushing bien lisse. Très bien. Sarah, ouais. Fait que baisser tout baisse, à l'heure. Je baisse. Sylvain. T'es plutôt robe de chambre ou une usette? Usette. Ah, j'aime. Est-ce que tu sors encore en boîte de nuit? Ça m'arrive. Ça y arrive. L'âge de Betty, ça. Ah non, bah moi je dis 38 ans. 38 ans, Sylvain. Bah ouais, 25 ans. Hein. 25 ans. 25 ans pour Betty. Moi je change pas 30. J'ai 30 au début, je bouge 30. Pas. Eh les gars, vous êtes montés de 60 ans. Et elle va finir, elle aura 12 ans, Betty. C'est quoi se dire? Je vous rappelle qu'il y a des places pour le Ballon d'Or à gagner, les amis. Ça va être complètement ouf. Betty, tu bouges pas, on va vous prendre là. 0870 42 48, j'ai du 64 ans. Tiens, tu vas nous répondre, Betty, sur les âges, d'accord? Qu'on s'aiguille un peu. Est-ce que Betty, t'as 40 ans? Non. C'est perdu pour Gilas. Rosanna nous dit sur les réseaux, est-ce que Betty, t'as 64 ans? Non. D'accord. Est-ce que t'as 48 ans? Non. D'accord. Est-ce que t'as 38 ans? Non. 55 ans? Non. D'accord. T'es sûr que t'as un âge? Ah ouais, attends, on va tous les faire, les amis. Essayez de trouver l'âge de Betty. N'hésitez pas, hashtag RicoShow sur Énergie. Vous y allez, vous foncez. Sarah, on se fait la phrase Énergie? Allez, c'est parti. C'est Samuel qui veut piéger sa maman Catherine. D'accord. Ouais, et en fait, ce qu'on va lui faire croire à Catherine, c'est qu'elle a la mauvaise phrase Énergie. En fait, Samuel lui a donné une phrase Énergie. La seule radio qui te fait gagner une voiture à 10 000 euros, maman, c'est le RicoShow. Faut que tu répètes cette phrase pour gagner la voiture. D'accord. Sauf que nous, Rico, on va pas l'entendre, Samuel. On va pas l'entendre, on n'a pas la voiture. Et d'ailleurs, JM, tu vas filer en dehors du studio. Ah ouais, vas-y, tu sors. Ouais. Tu sors, vas-y, prépare-toi. Ouais, tu sors. On va te récupérer au standard et puis on va appeler la maman de Samuel. Ouais, Catherine Katoche. Katoche, on va la faire flipper, Katoche. On va se faire ça dans une minute. Et puis, Lucie, ça va ma Lucie? Oui, salut, comment ça va tout le monde? Ça va ma Lucie? Alors, Lucie, elle a fait le 0870 42 48. Et toi, Lucie, t'as des choses à dire à Laura qui a couché pour réussir, c'est ça? Ouais. T'as fait la même chose, toi, Lucie? Bah voilà, c'est ça, en fait. J'ai fait la même chose. D'accord. Et franchement, honnêtement, il n'y a rien à dire. J'avais tout ce que je voulais, en fait. Je voulais une... D'accord. Je suis arrivée au bout de 6 mois dans la boîte. Bah, au bout de 6 mois, j'avais déjà une prime. J'avais le poste que je voulais dans la boîte. Et

seule vérité, nos enfants donneront en asile, envie d'avoir des enfants métissés, main dans la main, vieux et fripé, on se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées, à danser au milieu du salon, tu t'as fait dans deux heures, les yeux imbibés d'alcool, déguisé en chopper, quand tu te marrais à mes blagues les plus nulles, quand on se donnait des surnoms ridicules. On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais, et plus je me sens béni. Assez béni pour t'emmener à l'église. Tire au prêtre, oublie le truc où la mort nous sépare, on va rester dans cette vie. On aura plein d'enfants parce qu'il y a que ça qui compte. On dormira en pile et comme des maxi-monstres. Je vais enfin pouvoir me poser la réponse à toutes mes questions, s'endort à mes côtés. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis? Allez, on est là jusqu'à 23h avant de gagner le ballon d'or avec l'âge de Betty. Là, beaucoup d'âge arrive, hein, les amis. Vous êtes comme des ouf. Elle a 30 ans, nous dit Gilas. Il y a Sissi qui dit 28 ans. Elle a 35 ans. Elle a 67. Elle a 53. Ça va dans tous les sens. On va donner plein d'indices précis. Dès que vous avez l'âge, vous venez 0870 42 48. Il y a le ballon d'or à gagner. Mais justement, Laura s'était confessée, rappelez-vous, là, il y a quelques minutes. Ouais. Elle a couché pour réussir. Ouais. Et elle veut savoir ce qui lui attend par la suite, puisque ça fait 6 mois qu'elle est. Qu'elle bosse avec, avec son patron. Alors Lucie a composé le numéro justement et elle t'a conseillé. C'est parti, elle est là. Ça va ma Lulu? Ouais, ça va, super. T'as senti un peu kichou. Écoute-nous, ça va ma Lucie, mais je sais qu'au départ, voilà, ça se passait bien. Bon, t'as couché pour réussir et puis après, c'est parti en couille. Bah, c'est ça, ouais. Et puis franchement, moi, je vais pas faire loin, mais Laura, clairement, tu vas être par rapport à tes collègues, ça va pas le faire parce que déjà, tu vas voir, hein, tu vois, il y a un moment, tu vas te sentir trop, comment je dirais, genre, tu vas avoir tout ce que tu veux, alors qu'il faut que tu galères, tu vois. Franchement, moi, je te dirais qu'une seule chose, c'est démissionne, trouve un taf où tu as que ce que tu mérites. Parce que là, clairement, tu peux pas avoir, là, t'as tout, mais par la facilité, ça se passe bien. Moi, j'avais une super bonne relation et c'est pas sain. C'est pas simple comme travail. Après, ça se trouve, tu vas te retrouver dans un travail similaire et au final, bah, ton travail ne sera pas forcément à la hauteur vu que, bah, tu vois, t'auras eu tout par la facilité sur ton travail. Et puis ça va savoir dans la boîte. Moi, je pense que ça va transpirer un jour. En vrai, c'est une forme de triche aussi, ça. Ouais. Franchement, tu grilles la priorité aux autres. Et évidemment, dans une boîte, ça parle. Si d'un coup, toi, tu vas réussir à avoir une augmentation ou des petits avantages, comme elle l'a dit, direct, ça va te chercher sur toi. Tu vas devenir l'ennemi public numéro un. Ça va être de la merde. Et puis, je sais pas dans quoi tu bosses, mais à mon avis, après, ça se sait, quoi. Mais bien sûr. Non, mais apparemment, tout le monde est sur la même échelle. Tu as vu, il y en a qui ont couché aussi de ses collègues. Donc après, c'est pas une question de... Mais toi, t'as pas couché, toi, pour être là, crois-moi. Ah non. Avec la sueur de mon front, moi. Ah oui, ouais, il était là, il a bossé des années qu'il a arpenté. Non, mais c'est vrai, mais attention, Lucie, parce qu'on a aussi un peu le contre-pied. Laurie, elle a autre chose à dire à Laura, parce qu'elle, elle a vécu la même situation. Ça va, ma petite Laurie? Impeccable. Ça va, vous? Salut. Écoute, ça va, impeccable. Salut, et Laurie, toi, t'as un petit truc à dire à Laura aussi, on t'écoute. Ouais, alors en fait, moi, j'étais dans la même situation, j'ai couché avec mon patron et ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, d'accord. Donc elle, tu vois le mariage, quoi. C'est la musique, elle fonce, quoi. Ah ouais? Oui, non, mais là, en fait, ils n'entretiennent plus rien depuis 6 mois. En fait, c'est juste pour l'entretien, la porte d'entrée. Là, c'est un vrai CDI, ça. Ouais, mais on sait jamais, où ça peut mener. Hein. Et Laurie, tu kiffes ton mec ou pas, qui est maintenant ton boss? Tu kiffes? Ça t'angoisse pas d'être avec un mec qui a couché avec la nana au premier entretien? Pas du tout. D'accord, tu lui as pardonné parce que c'est quoi? Il t'a dit que c'était qu'une fois et que c'était avec toi? Alors à la base, en fait, ça devait être qu'une fois. En fait, je travaillais déjà depuis quelques temps avec lui. Ah ouais? Et ça devait être qu'une fois. Sauf qu'une fois, bah voilà, on s'est retrouvés encore une fois dans une autre pièce. Et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis bah, c'est devenu, ça a commencé à devenir sérieux. Et puis tu vois, voilà, je suis toujours avec lui. On est fou amoureux et je kiffe ma vie. Ah ouais, ouais, bah, ouais, mais toi c'est un peu différent, ça s'est fait par la suite quoi. Ouais, t'as voilà. pas, t'as fait l'amour quand tu, voilà, c'était un peu ton collègue de travail voilà. et puis t'as cun avec lui après. Et tu bosses toujours avec lui là ou pas? Depuis 6 mois plus du tout, mais avant si, ouais, on avait continué quand même à travailler ensemble. Ah ouais, il est pas con. Au bout d'un moment, il s'est dit maintenant que c'est ma femme, je la sors du circuit. Et t'as couché avec ton nouveau patron ou pas? Non. Ah oui, tous les matins, son mec lui met un préservatif. Tu partiras avec ton préservatif parce que je sais que tu es à deux. Tu vas te taper ton patron. Non, mais c'est bien aussi, Laurie, d'avoir le contrepoids. Mais toi, c'est un peu différent, c'est que vous avez pas commencé par coucher ensemble. Ça s'est fait un peu après, comme des collègues. Après, c'était le patron, c'était voilà. Ouais, c'est un peu différent. Patron, hein. Ouais, je comprends. Bah écoute, merci d'être passé, Mallory, en tout cas. Non, il n'y a pas de souci, merci à ciao, vous. Laurie. Plein de bisous, salut. Mallory. Et tu vois, du coup, Lucie, c'est différent. Ouais, je suis plus sur l'option de Lucie où ça va partir en couille. Ouais, ça va partir en couille. T'imagines, t'as qu'une avec ton patron. Patron, c'est rare, quoi. Parce que c'est ça, c'est pas pareil. Là tu commences. Hein. C'est ta relation, donc elle a commencé, t'as couché avec lui. Ouais. Elle a commencé, ouais, ils se sont connus avant, ils ont parlé. Ouais. Et donc là ils peuvent très bien sortir ensemble et faire des bébés et tout, ils font ce qu'ils veulent. Mais là c'est ouais t'as, non la relation. Se calmer quand même. mais toi justement Laura, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a une meuf, est-ce qu'il a quelque chose ton boss? Non il est célibataire, il a pas d'enfants, mais bon après moi je veux pas me marier avec lui non plus. Ouais. Après, mais après toi, ça le fait. Ouais, si ça fait 6 mois qu'il s'est rien passé et qu'il est célibataire et tout, je pense qu'il est peut-être pas dans ce truc-là. Je pense que voilà. Je pense que l'affaire elle est clos, non, tu vois. Mais après, écoute, on verra au moment qu'il y aura besoin, voilà, d'une petite augmentation. Mais non, fais plus ça. Non, ouais, mais toi t'es à don. Toi, est, si là. T'as besoin d'une augmentation, tu vas t'y refiler. Mais c'est ouf, toi. C'est horrible. Non, mais attends, au moins il te plaît physiquement. Il te plaît physiquement. On appelle ça un métier. C'est quand même ouais, il est pas mal. Ah, mais toi avec lui, s'il est pas mal. Non, mais elle, c'est juste. Non, j'ai pas envie, tu vois. Pourtant, de mettre avec, je préférais, voilà, il reste mon patron. Mais il y a voilà, ce côté kiffant aussi, tu vois, du patron. Et, ouais, bah en fait, toi, on a bien compris. Même, t'es venu te confesser, mais t'aimes bien la fessée, voilà. Quoi. Tu vas à l'ordi, tu couches, toi. Ça me pèse quand même. C'est, ouais, ça te pèse, ouais, t'as un petit ange et un petit démon sur l'histoire. Bah écoute, Laura, bonne bourre. Merci d'être passé, en tout cas, Malora. Et puis au moins, voilà, tu te seras confessé. Et puis après tout, tu fais ce que tu veux ouais, de ton corps. Bien, ouais. Mais voilà, on en parle ensemble. Tu viens quand tu veux, Malora. C'est ton émission, ok? Je t'aime fort, Malora. Moi aussi, je vous adore tous. Plein de bisous, Laura. Merci de passer. Merci, ma Lulu. On t'embrasse. Ciao, Lucie. On peut écouter des gros bisous à tout le monde. Hein. Salut. Ah on se kiffe, ma Lucie. Merci de t'être confiée. Je sais que c'était pas évident pour toi et que t'as voulu aider une copine de l'émission et ça fait plaisir. Ouais, ouais. Salut, ma Lucie. On t'aime. Ciao. Ciao. Ciao, on t'aime fort. Bisous. Hey, c'est un bonheur d'avoir Lucie, les amis. Ouais, okay. L'âge de Betty est là. Ça y est, ma Betty. Tu sais que tu représentes le Ballon d'Or, là. C'est un truc. Oui, je sais. Ah, oui. Betty, si personne ne trouve, c'est pour toi le Ballon d'Or. Ah bah oui. C'est toi qui vas aller voir Cristiano, Messi, tout ça. Carrément. Ah oui. D'ailleurs, Betty, j'ai te posé une question. Est-ce que tu sais dans quelle équipe est Cristiano Ronaldo maintenant? Il est en Italie, je crois. Bravo. Ah ouais. Hey, franchement, elle suit et tout. Ouais. Connecté, Betty. Wow. Connecté. Non, mais c'est vrai. Oui. Connecté à l'info, l'actu, le sport, tout. C'est vrai, c'est fort. Moi, j'avais une petite question pour savoir si je baisse encore ou pas. Ouais. Ta poitrine est plus proche de ton cou ou de ton nombril? Ah. C'est important. Elle est normale. On est sur quelque chose d'équerre. Médium. On est sur du médium. Ouais. On est sur du classique. Okay. On n'est pas comme toi, Sarah. On est au-dessus de la ligne médiane. Bien, ma Betty. Alors, l'âge de Betty pour toi, ça? 36. Sylvain? 30. 30. C'est ce que j'ai dit, 30 avant. 30 aussi. Ah, 25, je ne change, change pas. Les amis, vous venez écouter dans la décennie de naissance, d'accord, de Betty, on pouvait écouter ce son-là. Écoutez. Ah ouais. Oh là là. Voilà, je me suis gouré là. Décennie, c'est quoi, 10 ans? Tino Rossi. Dans les 10 ans. Tino Rossi, ça. Excusez-nous. Ouais, c'est vrai, mais c'est. Entre 40 et 50, 50 ou 60, 60 ou 70, je vous prends. Faites vos jeux, les amis. Et oui, ils seront là demain pour une émission spéciale soirée étudiante au Offenbach. Les amis, on tente de deviner l'âge de Betty. Eh oui, c'est chaud. C'est chaud pour notre Betty. Vous êtes dans tous les délires. Hein. Vous savez pas trop. Dans la décennie, je dis à plus 10 ans ou moins 10 ans du titre Tino Rossi. Ouais. On est autour de ça. Wow, ça, c'était du chanteur. 10 ans avant, 10 ans après. Oh, purée. À vous de nous dire, les amis, vous choisissez, vous faites vos jeux. Tiens, je vous prends. Il y a des places pour le Ballon d'Or. Vous avez fait le 0800 70 42 48. Le hashtag Rico Show sur Énergie. Les amis, on écoute. C'est parti, je me connecte. Ça va, Richard ? Ouais. Salut, mon Richard. Mon Richard, à ton avis, Betty qui est avec nous, à quel âge ? C'est elle qui va te répondre, Richard. Vas-y. 57 ans. Betty, est-ce que tu as 57 ans ? Non. Non, je suis désolé mon Richard, je t'embrasse Richard. Salut. Allez, salut. On t'aime mon Richard, il y a Renaud aussi, ça va Renaud ? Salut Rico, tranquille. Salut mon Renaud, t'as la forme ? Écoute, impeccable. Hein. Renaud, vas-y, à ton avis, quel âge a Betty ? J'hésite entre deux moi, tu vois, tu mets la pression là, entre 62 et 72, je sais pas, tu vois. Non, mais... écoute, à toi de me dire mon Renaud. T'as un choix poulet. Il y a 10 ans d'écart. Ouais, 10 ans d'écart. Je vais dire 72. 72. Très bien, Renaud. Anaïs, t'es là, ma Anaïs ? Oui. Salut, Anaïs. À ton avis, quel âge a Betty ? Moi, je dirais 60. 60. Très bien. Salut, ma Clémence. À ton avis, quel âge a Betty ? 54 ans. 54 ans. Salut, Madeleine. À ton avis, quel âge a Betty ? Salut, c'est Madeleine, hein, s'il te plaît. Ah, Madeleine, pardon. Pardon. Madeleine, t'as perdu. Madeleine, ma chérie, raconte-moi, elle a quel âge, Betty ? 58. 58. Et enfin, on a Lynn qui a appelé. Ça va, Maline ? Ça va et vous ? Impeccable. Lynn, quel âge a Betty ? Moi, je dirais 72. 72 comme Renaud. Ah ouais. Toi, vous êtes tous sur les 72. Alors déjà, je vais vous dire... Papa Noël est sorti en 1946. En 1946. Oh. D'accord. Alors j'ai dit la décennie, c'était pas forcément Tino Rossi. Ouais. Renaud. Oui. Mon poulet, t'as dit 72. Lynn, oui. 72. Anaïs, t'as dit 60. C'est perdu, Anaïs. Je suis désolé. Je suis désolé, Anaïs. Je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt, Anaïs. Ballon d'argent, ballon d'argent. Gros bisous. Ballon d'argent. Clémence, tu m'as dit 54 ans. T'es perdu, ma Clément, je suis désolé. Ah. Je suis désolé. Madeleine, Madeleine, pardon, tu m'as dit 58 ans. Je cherche la merde. Je vais rajouter un. Madeleine. Tu vois, même si j'ai perdu, tu me dois au moins les places pour te faire pardonner. Oh. Bah, Madeleine, tu as perdu, mais je vais t'offrir une compile, Madeleine. Je suis désolé. T'as perdu. Madeleine, ma praline. Oh, il se rattrape. Tu es mignon, c'est gentil. Je te fais plein de bisous, Madeleine, je t'aime fort. Merci, des gros bisous, à bientôt, je vous remercie. Renaud, Eline. Dis-moi. Oui. Je vais remettre en jeu. Ça fait Lynn Renault à l'envers. Non, mais c'est fort. C'est le bon duo. Mais c'est le duo perdant. Lynn Renault, vous n'avez pas trouvé. On remettra à demain. Je suis désolé, Lynn et Renault. Ok. Oh mince. Désolé. Bon bah écoutez, c'est payé. On fait c'est quoi relou, du coup, là. Betty, t'as quel âge ? J'ai eu 72 ans au mois d'août. Ça veut dire que Lynn et Renaud. Oh là là. Vous allez au Ballon d'Or. Ouais. Lynn et Renaud, vous serez avec Messi, Griezmann, Mbappé, vous serez avec tout le monde. Vous irez à la cérémonie du Ballon d'Or le 3 décembre, vous allez kiffer. Yeah. Ramenez la coupe à la maison. Hein. C'est pour vous. Lynn, est-ce que t'es contente, Maline? Oh, j'ai peur que pour mon fils, il n'en revient pas, il a 7 ans, il adore Mbappé. Ah bah écoute, ah oui, alors attention, ça va être ça va être après, truc. On sait pas si après je te le dis Lynn, je sais pas si les mineurs voilà, mais ça ça il faut voir avec le règlement. Il faut voir avec qu'ils soient accompagnés d'un adulte, je pense que je c'est pense bon. Que ça peut le faire. Il faut voir avec la FIFA. Ouais. D'accord Lynn, mais en tout cas on va faire le maximum. OK Lynn. Ben, remercie franchement, merci beaucoup. Continuez, vous êtes excellent. Merci franchement, merci beaucoup. On te kiffe ma Lynn. Continuez. Hey, Lynn. Lynn, t'habites où toi? Dans l'Ardèche. T'habites dans l'Ardèche? Ouais. Écoute, je te fais un kiff, je te mets le vol et l'hôtel. Mais non. Voilà, comme ça, tu t'occupes de rien et tu viens kiffer ici, ok? Et le ballon d'or, t'as que tu Je peux pas. Mais je te mets le vol, l'hôtel, d'accord? Comme ça, tu viens avec tout le monde et c'est moi génial. Qui réponds. On est payé ce mois-ci ou pas? Non. Ok, Maline. Merci, franchement, c'est un super cadeau, merci, merci. Bon, je t'embrasse, je te fais plein de bisous, ok? Merci beaucoup. Bisous, Maline. Alors, profite en ce moment, c'est que voilà, c'est dur. C'est... Ouais. Allez, ouais. Maline. T'as eu bravo. Merci, franchement, merci pour mes enfants. Merci. Mais t'inquiète, c'est normal. On est là pour ça, pour vous faire kiffer. Merci d'être là, en tout cas, Maline. On t'aime, ok? Moi aussi, je vous aime, je vous adore. Merci. Plein de bisous, Lynn. Je suis content. C'est chaud. On a gagné le ballon d'or. Ouais. C'est trop mignon. Ouais. C'est trop beau, Maline. On te fait plein de bisous. Clément qui est là, puis on va aller voir les joueurs et tout. Sinon, il n'y a que Clément. Ah, bah c'est mignon, tu vas les faire kiffer, Lynn. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse. Bisous. Salut, ciao. Merci. Renaud, c'est gagné pour toi aussi, mon poulet. Merci, franchement, Rico, je suis trop content. T'inquiète, je vais monter, c'est moi qui vais le gagner, le ballon d'or. Ah, c'est bon ça. Renaud, on va te faire kiffer. Merci, mon petit Renaud, d'être passé. On va te faire kiffer, ok? Franchement, c'est gentil. Franchement, merci à vous. Continuez. Pleure, Renaud. Et à bientôt. Renaud, pleure, merde. Attends, il y a un voyage à gagner. Renaud, t'as gagné. Renaud, à cause de ça, t'as perdu. Allez, je t'embrasse, Renaud. Profite du ballon d'or. Et puis, rappelle-nous derrière pour nous dire il a quelle tête, Griezmann, de près. Parce qu'il a tendance à peut-être le gagner. Ah ouais, il y a des sondages qui sont sortis. Il paraît qu'il y a des sondages. On croise les doigts. Bisous, mon Renaud. Allez, je t'aime fort. Merci de nous écouter. En tout cas, on t'aime. Ciao. Ciao, mon Renaud. Ah, c'est qui ça qui veut vous faire gagner tout ça? C'est un vrai plaisir. Demain, il y aura la Battle Tinder. Sylvain contre moi. Vous savez, on appelle des meufs et on voit qui est le plus performant en séduction. Et on aura les Offenbach pour une soirée étudiante de dingue. À partir de 22h15, on passe en mode te bois. Ouais, on vous transporte. Vous allez voir, à faire que des délires. Mais que des délires, il y aura de la meuf. Il y aura de la meuf, je le sens. Soyez là, les amis. Enfin. Et n'oubliez pas l'important de la vie. C'est de faire quand même. C'est Mickaël maintenant. Comment ça va? Ça va, ballon d'or? Bah ouais, je suis déçu qu'on ait pas une petite place là. Ah bah écoute, tu sais que moi j'ai réclamé, j'ai griffé, j'ai tout fait et ce sera la télé. Non, mais c'est la misère. Bah ouais. Bon, tu me diras, c'est là qu'on voit le mieux. Ah bah ouais, il paraît. Donc, c'est comme un match de foot. Arrive dans le salon. Hein. Bah après la cérémonie à Paris, tu vois. C'est vrai. Merde quoi. Mais bon, au moins on fait kiffer. C'est ça l'essentiel. Voilà, c'est ça. Le principal. Si au moins les auditeurs sont là-bas pour nous rendre des petites photos, tout ça, et quelques petits reportages en live. On mettra des likes. Ça peut servir. Voilà, ça peut servir. On dira qu'on y était. On dira qu'on y était. Bah, évidemment, on va mentir, comme d'habitude. Voilà, comme d'hab, on est des gros mythos. Clairement. Bon, et bah kiffer l'équipe. Bise. Bisous. Salut. Ciao. Bon, et puis on va faire un tour du côté. Ah, bah de la chanson préférée d'Amina, tiens. Partons en Asie. Gam Gam. C'est Marnik & Smack. On l'a écouté hier soir dans l'émission. Tiens, et puis on se le remet maintenant. 0140 71 5000. C'est Mickaël sur Énergie. Bienvenue.